Monde de merde, monde de merde, monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. I believe that it's a creature from another world, another time. Bonsoir à vous, Los Gabachos. Votre programme français, Los Gabachos Banda, comme tous les lundis à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h30. On va s'éclater, il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, les oiseaux chantent, tout va bien, vous êtes sur Radio Contrabanda. Ça pète, hein. Ça nous met de bonne humeur tous les lundis, ces conneries là. Ouais, carrément, et ouais, faut le dire, on démarre toujours la semaine avec Hawaii Samurai. Ah, tout un groupe de surf, on va dire rock'n'roll de l'Est de la France. Ouais. Ah, moi j'adore. Bah ouais, bah attends. Ça s'appelle comment ça d'ailleurs? Hawaii Samurai. Ouais, voilà, Hawaii Samurai. Et voilà, on démarre là-dessus, et puis bah pour dire bah que les gabachos, c'est bah ils sont toujours là, ils sont pas à la bourre, on n'y a pas cru hein sur la route, mais on est là présent, fidèle au poste, à l'heure, ponctuel. Ouais, enfin à l'heure, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu tous les lundis 3-4 minutes à la bourre, c'est pour ça qu'il est 21h35 maintenant et que les gabachos s'impatientaient. Mais nous sommes là jusqu'à 23h30, on va parler français, on s'excuse auprès de nos amis catalans qui aimeraient bien écouter un petit peu espagnol ici sur Radio Contrabanda, mais j'imagine que les Espagnols sont scotchés devant la télé puisqu'il y a un grand match de foot aujourd'hui. En ce moment, il y a Tunisie qui affronte l'Espagne. L'Espagne qui a cartonné son premier match et qui est en train de perdre 1-0. Alors ça c'est pour l'info, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas suivi le foot aujourd'hui. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est en simultané. On a comment dire des rédacteurs un peu qui se promènent dans le quartier, là, qui font le tour des bars surtout et des écrans géants. Et à la mi-temps, on aura bien sûr l'évolution du score. Et d'ailleurs, j'ai appris pour nos amis français qui sont ici à Barcelone que l'Institut français, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est Métro Diagonale, c'est pas loin du Métro Diagonale, il y a des rediffusions sur un écran géant des matchs de l'équipe de France. Alors certes, effectivement, c'est pas très très passionnant et je pense que la quasi-majorité des Français ont bien compris que nous, on avait une équipe de merde depuis 8 ans maintenant et qu'on était capable de rien faire. On est une équipe de merde, il faut l'avouer. Et nous, sur Radio Contrabanda, on le dira. Les Français sont super fiers, on est chauvin, on est super fiers de notre équipe et pourtant il n'y a pas de quoi puisqu'on est en train de se ridiculiser pour la deuxième Coupe du Monde consécutive et là ça va pas le faire. On a réussi à marquer un but quand même, un but en 8 ans, je trouve ça génial. Dans les phases finales c'est mortel, super cool. Mais on reste fair play, mais c'est vrai que notre vision des choses peut être, ma foi, réaliste et intéressante. À voir si nos auditeurs sont intéressés et du moins d'accord avec nous. Bah, j'imagine qu'en tout cas, ils sont pas derrière leur poste de télé à regarder le foot. Ils écoutent Los Gabachos Banda jusqu'à 23h30. Et vous avez raison, c'est une très bonne décision, une sage décision que d'avoir choisi d'écouter la radio ce soir, de prévenir vos voisins qu'il y a une émission française qui se passe tous les lundis sur le 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez tous les lundis, et puis sur le www.contrabanda.org pour ceux qui nous écoutent par le biais du net, comme ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de Français qui nous écoutent sur le net. En direct, live, à travers le monde, il faut le souligner. Génial. Et puis de toute façon, comme on en parlait, c'est une évidence, quoi. Tu m'étonnes. Tout le monde est devant son poste de radio d'antan, on va dire ça comme ça, et on parle pas de la télé. Les vieux transistors. Du bon vieux transistor de mémé. Et ben, vous avez raison, c'est clair, c'est avec nous, ça va enchaîner, Lolo. On a plein d'infos. Parce que figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Concert en soutien des apatistes à travers le monde. Et ouais, bah, ça s'est arrêté à Barcelone, forcément, puisque ici, il y a du monde à soutenir ce mouvement. Entre autres, Manu Chao, Paranoia. Il y avait un premier groupe aussi avec des dissonances celtes. Enfin bref, c'était génial. On va en revenir là-dessus, Lolo, tout à l'heure, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Enfin si, il y a la fête de la musique qui arrive bientôt. On en parlera aussi à l'Institut français, il se passe des choses. On a plein d'infos. D'ailleurs, le coup de cœur de cette semaine, c'est le groupe qui a eu l'occasion de jouer pour la Carabarna. C'était mercredi dernier, ça s'est passé au Liontiol Théâtre, Calier Rieretta. Et c'est tous les mercredis d'ailleurs, c'est 5€ avec une conso. Il y a une super bonne ambiance, il y a beaucoup de gabacho d'ailleurs. Hein, si vous voulez participer avec nous à cette grande fête, nous, on y est tous les mercredis. Et il y a un groupe qui s'appelle Avanti Mutanti, qui est un groupe de rock, qui a eu l'occasion de jouer mercredi. Et ça, c'est le coup de cœur de la semaine parce qu'ils ont cartonné, ils sont super bons. Révélation de la Carabarna. Voilà, ça s'est passé mercredi dernier. On va avoir l'occasion de les écouter aujourd'hui, de vous donner un petit avant-goût de ce qui s'est passé et puis un petit arrière-goût. On s'écoute ça tout de suite, Lolo. Moi, ce que je te proposais, c'est justement, puisque tu parlais un petit peu de ce qui s'est passé hier soir, ça s'est passé sur un terrain de foot à l'Ateneo de Baris. Ouais, c'était à nous, Baris, au nord-est de Barcelone, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était sur la ligne jaune, tout au fond, via Rulia, et il y avait du monde. Ah, il y avait un paquet de monde. C'était super bonne ambiance. Combien il y avait de monde, je sais pas, entre 5 et 5 000, il y avait bien 5 000 au moins, quoi. Bref. Exact. Bref. Il y avait la MIFA du quartier. Un paquet de gaziers, tout le monde se connaît, c'est familial, bonne ambiance. Premier festival de plein air, du bonheur, quoi, franchement. Du bonheur et surtout du très très bon son, ça s'est passé hier soir. Il y avait effectivement En Paranoia, un groupe qui est intéressant de voir sur scène, et puis il y avait aussi Manu Chao et Radio Bamba. Manu Chao qui nous avait fait le plaisir il y a quelques semaines de venir participer à cette émission, qui s'était pointé tranquillement ici et qui avait tchatché pendant une heure et quart sur Radio Contrabanda en nous racontant les petites anecdotes de ses petites tournées à l'étranger, des répressions policières, des répressions politiques et de tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Manu Chao et Radio Bamba qui font un concert ce soir, ça se passe à la Salamandra, et pour ceux qui sont un petit peu à la bourre et qui espèrent encore pouvoir le voir sur scène, ça se passera encore demain à partir de 22h à la Salamandra. Et c'est le métro, c'est je sais plus. Le métro, c'est à l'Hospitalette, en fait, et c'est Carrier, avenue Carrier, ou je sais pas quoi. Carrilette. Voilà. Carrilette, exact, métro, c'est ça. Carrilette. Et ça s'est passé hier, et ça s'appelle Manu Chao et Radio Bamba. Et je crois que pour commencer cette émission en beauté, il suffit de les écouter. Ça se passe en live. Bonne soirée à tous, vous êtes sur Radio Contrabanda, Los Gabachos Banda. Ben, Monde de merde. Monde de merde. Ah oui, monde de merde. Ça s'appelle Manu Chao et Radio Bamba, vous connaissez forcément, vous avez déjà eu l'occasion de danser là-dessus. Ça nous fait tellement kiffer qu'on a décidé de commencer cette émission avec, surtout que nous on a eu l'occasion d'aller participer au concert d'hier à New Baris. C'était franchement exceptionnel, Radio Bamba Sound System qui va remettre ça encore une fois cette année puisqu'ils vont faire une grande tournée de concerts. Pour la France, il va falloir patienter peut-être la fin de l'année, comme nous l'avait dit Manu ici dans cette émission. Mais en tout cas, il sera en tournée avec Radio Bamba, évidemment, dans l'Europe. Ça sera en Europe de l'Est, essentiellement. Ça sera courant le mois de juillet, le mois d'août. Et puis, éventuellement aussi en Amérique latine, ça sera pour la fin de l'année. À voir. On aura plus de précisions à vous donner là-dessus, bien sûr. Voilà, je crois que le plus proche de la France, c'est en Allemagne. Ouais, je crois que c'est l'Allemagne, effectivement. Ils vont les jouer en Allemagne, Radio Bamba Sound System. Justement, Lorenzo, revenons un petit peu au rapport qui est entre Paranoia et Manu Chao. Il faut dire qu'ils sont vraiment très proches par rapport à leur engagement, puisqu'on a pu voir lors de la sortie de l'album d'M Paranoia à l'Apollo, il y a de ça combien de temps, déjà 3-4 mois, on a pu voir en fond de scène, donc sur un écran géant, un film retraçant un film qui retrace un petit peu le passage qu'a eu M Paranoia avec la rencontre avec justement les apatistes quand elle s'est déplacée là-bas dans le pays. Donc on a pu la voir rencontrer tous ces révolutionnaires, discuter avec eux dans leur camp, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, beaucoup de rapprochement entre leurs engagements et puis les faits et gestes qu'ils font concrètement sur le terrain, en fait. Ouais, et puis on a eu l'occasion aussi de le voir hier, c'est que les deux groupes se sont rejoints aussi en fin de concert pour participer ensemble à la conclusion de la soirée d'hier. Ça s'est passé donc avec Manu et la chanteuse de Paranoia et tout le groupe avec, et c'était franchement super sympa. Allez voir ce que ça donne, aussi bien Paranoia que Radio Bamba pour ceux qui ne connaissent pas, même si vous les avez déjà vus une fois, deux fois, on ne se lasse jamais de les revoir. Ouais. Ça vaut le coup. Il y a un concert demain à la Salamandra, sachez-le, pour ceux qui n'ont pas de place, essayez peut-être d'aller devant, il y aura peut-être moyen d'en avoir. À voir. Qui sait, ma foi. Toujours est-il que nous, on a des infos en ce qui concerne la France, évidemment, puisque vous, Français qui nous écoutez par le biais du net sur le www.contrabanda.org, vous avez forcément envie de savoir ce qui se passe près de chez vous. Et nous, on vous donnera bien entendu des infos pour les gabachos qui sont ici, à Barcelone, pour savoir un petit peu ce qui se passe, les soirées à venir. Il y a eu le Sonar qui est un festival absolument énorme ici à Barcelone, où les plus grands DJ de la planète se retrouvent pour 3-4 jours de fête. Ça s'est passé jeudi, vendredi et samedi. Il y a une grosse teuf encore aussi hier soir. Je crois que ça s'est fini à la plage ici à Barcelone. Ça s'est terminé au Forum, non, c'est ça? C'était bien chaud apparemment. Ouais, les chiringuitos battaient plein feu, effectivement, sur la plage. C'était blindé toute la nuit, à ce qu'on nous a dit. Bon, effectivement, c'est pas loin d'ici des locaux de Contrabanda. Mais il y avait beaucoup de choses en même temps, c'est clair, concernant le Chéro, les 3 jours de Sonar, le off du Sonar. On a pu voir le collectif Kill the DJ à la Paloma pour un set minimaliste, quoi, la scène parisienne. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc tout le off possible et imaginable, jusqu'à de la musique électronique chez les paquis en allant faire les courses. Non, mais c'est vrai, tout le monde est dans le coup. Et surtout le Sonar del Día. Ah, tu vois, moi c'est la première année que je viens à Barcelone. Quand je suis arrivé ici, on m'avait dit, tiens, ça se passe au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a la fête de la Mercé, c'est absolument énorme. Et il y a aussi le mois de juin avec aussi bien le Sonar que la Saint Juan qui arrive donc vendredi. Ça se passera vendredi 23. Je crois que c'est aussi une très très grande teuf avec plein de pétards. Les pétards dans tous les sens du terme. Oh, ceux qu'il faut écouter parce que ça pète, et puis ceux qu'il faut fumer parce que ça éclate les yeux. Mais je crois que le principe de cette fête, c'est justement d'aller jusqu'au bout de la nuit, de faire la fête et d'aller voir le lever du soleil à la plage. Alors franchement, je crois que c'est à faire, mais moi je vais être franc avec toi, Sylvain, toi qui es là depuis quelques années, moi j'ai été très déçu du Sonar. Ah ouais, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus d'effervescence par rapport à la musique électronique, et je pensais très franchement que les gens ici allaient être beaucoup plus présents, se manifester davantage, et j'ai pas eu l'occasion de voir énormément de choses, moi, au niveau du Sonar. Non, c'est vrai que bon, les gens d'ici, après, c'est autre chose. Bon, il y a les activistes de la scène underground qui louent jamais l'occasion, il y a la méga grosse teuf, le contrat Sonar qui était apparemment à Montjuïc. Ouais, il était à Montjuïc, effectivement. Et donc pas très loin en fait du Sonar del Noche qui se trouve de l'autre côté en fait de la scène techno underground, on va dire. Et mais surtout Lorenzo, par rapport à ça, effectivement, c'était l'avalanche de touristes, de gens fashion qui venaient du monde entier. Et vu que c'est super cher, est-ce que les gens d'ici se sont bougés pour assister au concert? Ça, c'est une grande question. Ceci dit, il y avait le off, il y avait des choses gratuites, les chiringuitos, tout ça. Bon, mais le Sonar del Día, bon, Lorenzo, effectivement, il aurait fallu y aller pour voir un peu l'effervescence qu'il y a au sein même du CCCB, parce que 2-3 scènes dehors et également à l'intérieur, c'est assez énorme. Ouais. Franchement, expérimentalement parlant, bon. Moi, en gros, ce que je retiens, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour écouter de la musique électronique. Hein. Ça, c'est un peu le problème. Ça a doublé de prix en 4 ans. Ouais. Parce que justement, il y a beaucoup d'effervescence par rapport à ce festival. Je crois qu'il y a les plus grands DJ de la planète en matière de musique électronique qui se retrouvent ici à Barcelone pour 3 jours. Et que maintenant, pour aller les admirer sur scène ou alors tout simplement écouter de la musique tranquillement, il faut en avoir dans le portefeuille. Et ça, malheureusement, c'est pas pour tout le monde le cas. Donc, ceci dit, ce qui peut être marrant au Sonar del Noche, c'est qu'il y a les autotampons au milieu des hangars. Bon, est-ce qu'ils les ont toujours? Ça, c'est assez surprenant. Mais le son s'en ressent par rapport justement à la grandeur de ces hangars, et c'est un peu décevant au niveau de l'acoustique. Bon, en tout cas, c'était une belle fête. Hein. Le Sonar, bien sûr, il a fait beau, c'était déjà pas mal. Et puis, donc, bien sûr, mercredi dernier, comme on vous l'a dit, il y avait ce fameux groupe de rock qu'on aime beaucoup, Adventi Mutanti. Et c'est un groupe de rock qu'on va écouter dans un tout petit instant parce qu'il va falloir le faire. Ça pète, vraiment, c'est excellent. Et putain, ils sortent de leur garage. Hein. Ça, c'est pour le dire un peu le style de la musique, puisque c'est bien rock'n'roll. Ils sont 3 sur scène. Ouais, ils sont que 3. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils arrivent à foutre un bordel à 3. Je trouve ça énorme. Ouais, c'est clair. Le bassiste, il n'y a rien à dire. Quoi. Il joue de la contrebasse électrique et après il enchaîne sur sa basse des sons absolument. Non, franchement, ça pète, ça rentre dedans. On est parti, Lorenzo. Ouais, on va se faire un petit truc juste pour vous donner un petit arrière-goût de ce qui s'est passé avec la Carabarna. La Carabarna qui organise régulièrement et chaque semaine des concerts. Ça se passe au Liontiol Théâtre, Cagliari et Reta. Je vous conseille d'y aller, amis gabachos, et de passer le message à vos voisins encore une fois, parce que très franchement, c'est une belle fête. Et en plus, nous, on a l'occasion tous de se retrouver là-bas. Donc si vous écoutez la radio, s'il vous plaît, faites un effort. Ça se passe juste à côté de chez vous. Et ça s'appelle Adventi Mutanti, et c'était mercredi dernier à la Carabarna. De Girona. Ah, ils sont de Girona. Ils sont de Girona. Eh ouais, c'est pas de Barcelone. Ah, d'accord. Amis catalans, écoutez juste pour le plaisir des oreilles. taken up and just controlled. Every word to justify, any word explains the rocker's words conservative. A jealousy's reign, a guitarist's empire, a drummer's guarantee, and not a detail basement wouldn't see. The drummer thinks he's working out, but to nothing goes. The butcher and factories, so that jump to those up the towers and bar. The drummer's territory, and not a detail basement wouldn't see. And I have married three or four, a thing I've never said. And oh, play the boss, I am a so clear, a general lie and common sense, it's up to the community. Could it take what's good or bad? Mobbing is limited to working class like bowling clubs. The tie between us, a guitarist and pop, a drummer's territory, and not a detail basement wouldn't see. And I am married three or four, a thing I never said, and I will pay the loss I ever paid. Yepa, le groupe s'appelle Avanti Mutanti, groupe de rock de Gironde, nos amis catalans qui ont fait donc le concert à la Caravana. C'était mercredi dernier, peut-être auront-ils l'occasion de revenir, en tout cas nous on l'espère, puisqu'on a, on aimerait bien les revoir sur scène. C'est clair, et puis en plus l'album il y a un peu tous les styles, il y a du gros bourrin en passant par du rock'n'roll bien clean comme on a pu l'écouter à l'instant. Franchement non, c'est cool. Ça le fait. Moi voilà. J'aime bien. Je suis fan, en tout cas j'ai bien dansé, je me suis défoulé comme un taré, j'ai trouvé ça génial, franchement terrible. Avanti Mutanti, on les rediffusera d'ailleurs, s'il y a un scud qui traîne, si vous avez envie d'avoir un scud, nous on en a en poche, on peut en lâcher 4-5, alors si vous êtes les premiers et les plus rapides à nous envoyer un mail sur Los Gabachos Banda. Non, c'est pas ça. Mais ça Gabachos Banda, voilà. Ouais, Gabachos Banda. @hotmail.com. Mais on est les Gabachos, c'est vrai. On peut mettre le Los devant Gabachos Banda, Los Gabachos, que vous voulez en catalan, Los Gabachos avec un X, comme vous voulez. Mais là, pour l'adresse internet, c'est vraiment important de savoir l'écrire correctement. Donc c'est Gabachos Banda, @hotmail.com. Exactement. Alors si vous avez envie de repartir avec un scud de Avanti Mutanti, et ben vous nous suffit d'envoyer un mail en disant j'ai écouté la radio, j'ai bien aimé le groupe, et on vous donne tout ça. Voilà, on pourra se capter si vous êtes une jeune fille qui traîne dans le coin, on pourra carrément vous le donner en main propre. Ah ouais, voilà. Même boire un petit verre au comptoir. Voilà, carrément. Ouais, c'est une bonne ambiance. Alors juste avant, puisque tu vas nous parler de plein de petites infos qui sont sorties, alors des infos qui sont des nouvelles qui sont bonnes et d'autres qui sont un peu moins bonnes, on parlera aussi de foot. Normal. On reconnaît le tonton flingueur et le tonton planète surtout. Ouais, tranquille. Génial. On parlera de foot, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Ce sont les poules en ce moment. Les Français sont des merdes et on tenait à le souligner. Les poules ? T'as regardé un peu le match là, franchement, est-ce que c'est toi ça te passionne ou rien du tout, t'en as rien à foutre ? Écoute, moi je t'avouerai, j'ai vu, allez, on va dire 30 secondes du match de la France, le premier. Le premier, donc c'était contre la Suisse. Voilà, j'étais là, j'ai dit, oh merde, on va m'en vouloir et tout. Et puis tout le monde m'a dit, oh bah écoute, t'as pas perdu ton temps, Sylvain. Bah j'ai dit, bah franchement, écoute, j'ai anticipé l'affaire, ça fait rien, j'avais pas le temps. Ceci dit, le deuxième. Ça s'est passé hier soir. C'était quand hier soir ? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir ? Bon, on l'a pas vu, nous. Bah ouais. Voilà, puisqu'on était chez Manu Chao et que bon. Il y en a certains qui auraient bien voulu avoir des grands écrans à côté, ça fait rien, j'imagine que un peu les icos là-bas, on a un peu rien à foutre de la télé. Et je crois que tout le monde en avait rien à foutre. Même moi qui suis un gros fan de foot, c'est pour te dire, j'ai même pas pris le temps de regarder une minute de match, tout simplement parce que je savais que le résultat allait être bidon. C'était incroyable parce qu'on avait beau être dans un terrain de foot. Ouais, je sais bien. Alors le truc c'est que donc je vais t'expliquer juste rapido hein, pour que tu saches un petit peu ce qui se passe. Merci de m'informer. Ouais. Non mais c'est vrai, heureusement qu'il y a l'émission en direct, qu'on discute comme ça entre nous au micro, parce que sinon on n'a pas le temps dans la journée d'en parler. Et forcément tes commentaires sont les bienvenus. Vas-y. Mes commentaires, en plus de ça, c'est que je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que j'imagine que tu dois pas être le seul à pas forcément comprendre comment fonctionne la Coupe du Monde. Il y a des poules, c'est-à-dire des groupes de 4 équipes qui s'affrontent. Pull-up quoi. Voilà, des grosses pull-up. Ouais. Voilà. Ouais. Et nous, dans notre groupe, il y a donc un groupe, un pays africain, donc le Togo, qui est donc définitivement éliminé puisqu'ils ont perdu cet après-midi contre les Suisses. Les Suisses qui sont aussi dans notre groupe. J'ai suivi ça. T'as suivi ça. Je m'en voudrais pas, mais effectivement, là-dessus. Et donc, il y a la France qui va jouer, bien sûr. Et la France qui jouait hier contre, rappelle-moi, je sais même plus l'équipe contre laquelle on jouait. Qui c'est qui jouait? Oh, je sais même plus. Non, à Lolo, tu vas pas dire ça. Écoute, on va appeler nos correspondants de SoFoot en direct. Putain, en direct live. J'ai un trou de mémoire. C'est pas moi qui va te le dire quand même. Non, ça c'est sûr. Contre qui ils ont joué la France? Bon, toujours est-il que, à la Corée du Sud, pardon, c'est la Corée du Sud. Bon, voilà. Quand même. Toujours est-il que donc la Corée du Sud et l'autre équipe, hein, donc pas le Togo ni la France mais la Suisse, d'accord, sont premières de leur groupe. Donc la France n'est pas sûre d'être qualifiée pour la suite. Et je pense qu'il va y avoir un match donc entre la France et le Togo, et puis que comme d'habitude la France va payer son match. Hein, je pense qu'ils vont passer beaucoup d'argent sous la table en disant à nos amis togolais, bah écoutez les mecs, vous êtes de toute façon éliminés de la Coupe du Monde, donc cherchez pas à comprendre. Maintenant, ce que vous allez faire. C'est une ancienne colonie française justement. Le Togo, à savoir. Écoute, on à savoir. Alors, bon, après l'histoire, la géographie, tout ça, c'est pas vraiment notre truc, quoi que ça dépend. Mais à souligner, c'est vrai que bon, après, est-ce qu'il peut se passer des choses incroyables? Et on a bien vu, hein, Lolo, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Londres, il y a eu magouille et compagnie, et ça, personne ne pourra dire le contraire. Grosse magouille. Mais il va y en avoir aussi dans ce match-là. J'imagine que les Français vont se bouger le cul pour payer le match parce qu'ils vont être obligés de le faire. Bref, ça c'était la petite parenthèse foot. Ouais, hein, si dans pas le jardin, d'accord. Tu veux dire, avec l'appel pour aller chercher à côté des tomates et des plantes cannabis peut-être. Tu te souviens pas de cette histoire entre Marseille et Valenciennes à une époque? Ah oui, bien sûr. On a retrouvé dans le jardin d'un mec un paquet de billets pour laisser tranquillement passer la balle. C'est ça que tout le monde dit maintenant, Nanar président, non? C'est pas ça? Moi je suis à fond pour Nanar, moi. Alors si Nanar pouvait devenir président de la Fédération Française de Football, alors là je vais te dire, on serait champion du monde, mais alors pour 40 ans de suite quoi. Ça dépend pourquoi, mais nous on aime les escrocs. Après effectivement le côté éthique sportif, bon ça dépend, rien à foutre du foot, parce que dans tous les domaines, là moi je voulais en venir, moi, Lorenzo, parce que effectivement on a entendu des choses assez incroyables, hein. Parlons de doping, parlons sport, effectivement qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières semaines à Valence? Ils ont découvert, Valence et Madrid, deux laboratoires avec effectivement un paquet de sélectionnés pour les Jeux Olympiques, tant espagnols. Les listes sont pas tombées, hein. 200 cyclistes, bon, malheureusement, et aussi des joueurs de foot, Lolo. Pas de noms sont tombés avant la Coupe du Monde. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a pu entendre dans le monde en France? Ça serait, écoute, d'après les infos du monde, à démentir ou pas, on attend les coups de fil. Comme quoi Johnny aurait dit moi ça serait pas mal que je récupère la forme, ça serait bien que je me fasse changer mon sang. Et apparemment ça serait notre ami Zidane qui aurait dit vas-y, moi je connais une bonne adresse, il y a pas de problème. Vas-y de ma part. Eh ben Zizou qui a toujours demandé beaucoup. Ouais, effectivement on a entendu cette info, c'est à vérifier. Il y en a beaucoup. Moi on n'est pas là pour descendre les gens, mais bon c'est des choses réelles. Bah je sais pas, mais en tout cas entre la réalité et la fiction, notre ami Johnny, je sais pas sur quelle planète il est. Toujours est-il que l'info est pas sortie par hasard, et que s'il y a une histoire comme ça, c'est qu'il y a des choses à vérifier. Non mais la Juventus, Lorenzo. Oh, et puis la Juventus. Oh là là. Bon la Juventus qui est passée devant les tribunaux pour une histoire de cocaïne. Et puis bon. Plein d'histoires. Des joueurs qui ont bougé, si ce n'est que. Voilà. Bon, bref, on est en train de parler de drogue. Alors, si on parle de drogue, on va forcément parler de la France. Parce que ça va être une semaine drogue en France. Qu'est-ce qui va se passer en France là-bas concernant la drogue? Dis-moi, tiens. Concernant la drogue, je sais pas, le 18 juin, c'est pas l'appel de Ouais, alors je t'explique un petit peu. On va revenir là-dessus un jour après, bien sûr. Parce que moi, j'ai d'autres infos à ce sujet-là. Ok, tranquille, on va faire les choses dans l'ordre alors. Tu sais que le 18 juin, depuis 30 ans maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a une commission, un collectif qui a monté, ça s'est passé en 1976. Ils ont monté un collectif pour pouvoir faire chaque année, le 18 juin, une. Tiens, en parlant de ça, t'as qu'à me faire passer le stylo, ça sera très bien, merci beaucoup, c'est sympa, c'est cool. Dans le camion de pompiers. Voilà, pour ceux qui ça, connaissent. Voilà, c'est ça, c'est ceux qui sont passés dans les studios. En fait, chaque année, depuis 30 ans maintenant, le principe est le même, c'est que le 18 juin, ça s'appelle l'appel du 18 juin, mais juin cette fois-ci, J-O-I-N-T, propose aux gens de venir manifester pour la dépénalisation du cannabis. cannabis. Alors, on ne parle pas de légalisation. Attention, légalisation, ça voudrait dire que ça serait vendu dans le commerce, qu'on pourrait évidemment aller partout pour avoir un petit morceau de chocolat ou pas, pour avoir un petit peu d'herbe. Là, le principe n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en France, dans un pays dit démocratique, égalitaire et fraternité, machin et compagnie, alors que c'est du bidon, on ne pourra pas penser à la légalisation en France. Et à la limite, peut-être tant mieux. Toujours est-il que nous, enfin nous, les Français, ce qu'ils demandent, et le collectif, entre parenthèses, avait lancé avec le magazine Libération une manifestation chaque année le 18 juin à Paris. Avec Libé, tiens. Avec Célibé, ouais. Célibé qui avait lancé ça en 1976. Et qui avait justement proposé et demandé la dépénalisation du cannabis. Le principe est le suivant, c'est qu'à partir du moment où tu te fais fouiller, contrôler, comme ça arrive si souvent en France, gratuitement, juste pour un délit de faciès, ça arrive malheureusement très souvent, si on te retrouve avec quelque chose dans tes poches, voilà, on te le laisse et on te dit casse-toi et fous le camp. Mais à aucun moment, ils ont le droit de t'embarquer, de te faire passer en garde à vue, de t'emmener devant un procureur ou devant un tribunal pour essayer de régler les histoires de cannabis. Voilà, le principe est le suivant, c'est qu'ils demandent donc la dépénalisation du cannabis. Et dimanche prochain, ça se passera donc à Paris et puis dans quelques villes de France. Il va donc y avoir cette journée, l'appel du 18 juin, donc évidemment en référence l'appel du 18 juin historique de De Gaulle qui avait appelé les Français à résister contre les forces allemandes. Et le principe sera le suivant, voilà. Donc si vous êtes à Paris, si vous êtes dans le coin, en banlieue parisienne ou en province, si vous avez envie d'aller faire un petit tour dans la capitale, bah, n'hésitez pas à y aller dimanche et allez donc manifester pour la dépénalisation du cannabis. Très honnêtement, ça vaut le coup. Voilà. Et puis il y a un sacré paquet de gens qui s'y mettent d'ailleurs. Ouais, ouais. Non, mais est-ce que je voudrais savoir, le 18 juin, Lolo, c'est quand ? Le 18 juin, c'est dimanche. C'est dimanche. Ah non, attends. Ouais, non, mais non, mais non, c'est con ça, c'est con non, ça. Non, mais c'est passé, mais il y a pas de. Attends, mais on est combien là aujourd'hui ? Ah bah c'est passé. Ah mais non, mais putain, ah, attends, c'était hier. Attends, on est complètement déconnecté ici. Non, mais tu me disais que tu y assistais chaque année. Ouais. Ouais. Alors justement, c'est pour te dire, tu as loupé une journée, on t'en voudra pas, mais c'est vrai que ça s'est passé hier. Donc les Français parlent aux Français le 18 juin, le général de Gaulle et compagnie, rien à voir. Mais donc effectivement, c'était hier. Alors est-ce que ça mobilisait des gens ? On imagine que ouais, parce ABR. Que déjà ici, ça ramène du monde au ouais, fond aussi. Alors le problème, il y a des manifestations dans le genre ici à Barcelone. Ouais, dans le même genre, il y avait le Botellium, il y avait tout ça effectivement. Mais le problème, c'est qu'à Paris, les gens sont coincés du cul, faut le dire franchement. Je crois que les Français ont des choses quand même à apprendre. Il y a une éducation à faire au niveau des Français par rapport à tout ça. C'est qu'ils sont les premiers à dire ah oui, s'il vous plaît, dépénalisation. Mais une fois qu'on leur propose d'aller dans la rue manifester pour tout ça, il y a plus personne. Voilà. Mais ça s'appelle la France, hein. C'est-à-dire que ils sont très solidaires quand il s'agit de rester derrière leur poste de télé, mais quand il s'agit de se bouger le cul et d'aller dans les rues, là il n'y a plus personne. Voilà, ça s'appelle la France et ça se passe comme ça là-bas. C'est vrai qu'ici il voilà. y a une vision un peu plus libérale en la matière. Comment expliquer ? Déjà, il y a deux foires du genre. Quel genre ? Ouais. C'est-à-dire, comment elle s'appelle déjà, la Cannabis Cup qui a été. Bon, ça c'est l'officiel. Et il y en a eu d'autres à se mettre autour du fait que c'est quand même un business, il faut pas le renier quand il y a des foires cannabis, c'est assez sympa hein. Bon alors, en tout cas juste pour l'info, pour l'info politique, parce qu'il y a quand même des politiques qui soutiennent le projet. Ah, ça arrange d'ailleurs un paquet de politiciens, parce que s'ils pouvaient eux fumer leur ouinge tranquillou. Bah justement, voilà, c'est pour ça. Donc il y a un certain Noël Mamère et un certain Olivier Besancenot qui soutiennent à fond le projet et qui disent s'il vous plaît, putain, laissez-nous fumer nos tarpets tranquillement. Et ça s'appelle donc la dépénalisation du cannabis, ça s'est passé hier, ça sera pas donc la semaine prochaine, excusez-moi. Mais vous pouvez toujours manifester dans la rue tous les jours, gueuler pour ça, pour autre chose. De toute manière, nous, on est là pour informer les gens, on n'incite personne à faire quoi que ce soit. Mais on a des statistiques, plein de choses, plein d'informations à faire circuler. D'ailleurs, justement, bah, Lolo, avant de passer à l'Espagne, parce que là, j'ai les statistiques qui sont tombées. C'est les statistiques officielles au sujet des consommations de drogue en Espagne. Mais juste avant, écoute, ça s'est mis en place. Le plan dépistage du cannabis sur la route, il faut le savoir. Ah ouais, ça y est. Concrètement, ça y est, en France, ouais, et d'ailleurs, petite dédicace à Erwanio d'Italie, concerné en la matière. Et donc, il y a des infos dans la presse en France qui circulent au sujet des contrôles urinaires. Effectivement, donc une fois qu'on a des suspicions sur vous, quand on vous dit de vous garer gentiment au bord de la route et qu'on... Enfin, gentiment, ça dépend. Ouais, hein. Et qu'on jette un petit coup d'œil, bref. Pour dire, bah, écoutez monsieur... Tiens, j'aime pas ta gueule, tu vas te mettre sur le côté, je vais vérifier tes papiers, ça se passe comme ça. Non, là, c'est pas une histoire de papier, peut-être aussi en même temps, hein, ouais. Coup pour coup. Donc la languette du test urinaire, qui change de couleur, écoute Lorenzo, puisque effectivement, voilà, il y a des réactions, des réactifs, qui permettent de trouver la contenance en THC, mais aussi, ah, tiens, faut le savoir, bon ça, effectivement, particulier, c'est parce que ça peut aussi dépister la cocaïne, les amphètes et les opiacés. Donc là, effectivement, ça rigole pas. Répression à fond pour effectivement l'ensemble des drogues. Donc faut le signaler. Donc ça, c'est une évolution dans, en termes de liberté en France. Bon, ceci dit, sur la route, faites attention. C'est signé. Parce que fumer au volant, des fois, c'est pas vraiment conseillé. Bah, déjà, c'est également forcément pas conseillé. Du tout. Et donc, pour dire que c'est de réquisition, en fonction du test, on peut demander à un médecin de venir effectuer une prise de sang. Voilà, donc les analyses, écoute, arrivent 2 à 3 semaines après. Ceci dit, il y a un gros vide juridique parce que donc ils retiennent le permis. Donc les gendarmes retiennent le permis pendant 72 heures, mais après, le contrevenant le récupère puisque le procureur ne peut pas se prononcer qu'après les résultats de l'analyse. Donc c'est assez paradoxal et invraisemblable. Mais bon, c'est des, comment dire, ça train de se mettre en place et c'est bien réel, c'est concret. Voilà, donc c'est pas le cas en Espagne puisque nous, beaucoup de gens ici à Barcelone font du vélo, Lorenzo, et effectivement, il faut avoir une voiture déjà avant d'être contrôlé. Tu peux même te faire contrôler quand tu fais du vélo à Paris, hein, ça se passe aussi comme ça. Alors justement, tout ça c'est signé Nicolas Sarkozy, bien sûr, hein, puisque le principe était le suivant, c'est qu'il fallait maintenant faire la guerre contre les stupéfiants. Puis c'est racoleur, ça fait plaisir aux Français, donc voilà, il a essayé de mettre en place ce système-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te fais arrêter et qu'ils te font souffler dans le ballon comme à l'époque, maintenant ils te font carrément aussi souffler dans cette petite machine. Et donc ils peuvent dépister si, oui ou non, t'as fumé un joint ou deux. Alors le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, si tu as fumé un tarpé il y a 2 heures avant de prendre le volant, là c'est normal qu'il y ait des sanctions qui tombent parce que ça peut effectivement ralentir la concentration et tout ça, et les réflexes surtout. Mais le mec a fumé un bédo une semaine avant, je vois pas le truc. Parce que forcément... Il y a des injustices, il y en a qui sont fait griller leur permis et alors qu'ils avaient fumé leur joint apparemment un jour ou 2 jours avant. Voilà, donc la logique, c'est bien, c'est super cool. Voilà, donc ça se passe comme ça. Ici en Espagne, ça s'est peut-être pas encore mis en place. Toujours est-il que ça va arriver, puisque maintenant c'est l'Europe, hein, et que Barcelone, malgré être dans une région qui s'appelle la Catalogne, fait partie de l'Espagne, et l'Espagne fait partie de l'Europe. Les tout premiers qui ont signé. Exactement. Les Espagnols, ils ont des regrets, hein, certains. Alors justement, juste pour l'info, pour l'Espagne, et puis essentiellement aussi pour la Catalogne, ça c'est pour nos amis gabachos, ça va les intéresser. Je pense qu'ils ont suivi un petit peu ce qui s'est passé sur l'état de la Catalogne. Alors on en est où dans les sondages? Parce qu'il y a eu un vote ce week-end sur le statut de la Catalogne. Alors je crois qu'il y a eu le résultat qui est tombé, donc c'était 64%, 74% des gens qui ont voté oui. Donc pour le statut de la Catalogne, il y a eu un record d'abstention. Je crois que tout le monde ne s'est pas bougé le cul énorme, pour aller voter. Énorme, hein. Ils en sont où là-dedans là ? À 50,57%, Lorenzo. Eh ben. Alors, écoute, c'est énorme. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils se prononcent pas parce qu'ils savent pas, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça serait bien que... C'est assez paradoxal, on comprend rien parce que à croire que les Catalans sont concernés. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a fait beau hier, tout le monde était à la plage. On sait plus quoi raconter, franchement. Bref, et aussi dans les journaux, apparemment, à écouter tout le monde, hein, ceux qui étaient d'accord, oui, non, pour et compagnie, ils sont tous contents. Ouais. Ah ouais, ils sont tous contents. Ils disent bon bah ouais, on est contents des résultats. Enfin, c'est assez incroyable. Donc pour dire que effectivement, il y a eu une abstention record, ouais. Alors là, 2 627 000 personnes. Ici à Barcelone, en Catalogne. Qui ne se sont pas bougés dans les bureaux de vote pour aller dire si oui ou non ils voulaient le statut officiel de la Catalogne. Et les votes blancs, attention, les votes blancs aussi, hein, représentent 135 000 personnes et les votes nuls 23 000. Donc en plus, il faut rajouter 6%. Quoi. Eh ben, on n'a pas fini. 6% parmi les gens qui ont voté. Hein. Eh ben, on n'a pas fini. On donnera plus de nouvelles. Ce serait bien qu'on puisse vous expliquer concrètement comment ça se passe, le statut de la Catalogne. Donc le si, elle a emporté effectivement avec 73%. Voilà, 73-74%, c'est le résultat final. Donc, les fiascos. Qu'ils soient contents ou pas, que ça soit oui ou non, que les gens aient voté, se soient déplacés ou aient voté tout simplement blanc parce qu'ils n'avaient pas d'idée là-dessus. Voilà, ils ont l'air d'être plutôt contents. À voir comment se passe dans l'avenir le statut officiel de la Catalogne. On vous donnera plus d'infos et puis on essaiera justement d'être un peu plus concrets et explicites sur la question. C'est parce que je crois que c'est concret. Et j'aimerais bien savoir exactement quelles sont les revendications du statut de la Catalogne. Ce qu'ils veulent pas et dans quel but ils voudraient un statut officiel. On pourra faire justement le lot à ce sujet une émission spéciale, spéciale. Au niveau de l'indépendance, pourquoi pas, de la pourquoi Catalogne pas. Ou autre. Et c'est effectivement le thème correspond bien à l'actualité. Eh ben on parlera, alors on fera une émission politique, on mettra nos costards. Ça va te changer du Marcel parce que Marcel, t'es un peu blanc quand même. Oui, hein, il y a des belles couleurs à Barcelone. Justement, j'ai assorti mon Marcel blanc à ma couleur. Et, non, mais forcément. C'est vrai, il fait chaud à Barcelone. J'adore. On prend des couleurs, ça dépend où. J'adore. Et voilà, donc et moi j'en reviens un petit peu à cette histoire de statut, parce que vu que les choses ont changé tellement en 2-3 ans ici, il faut croire que même les radicaux qui auraient pu être pour un statut 100%, je veux dire, Catalogne, sont complètement pour, du fait que... Pourquoi un statut quand on voit que les choses ont déjà changé d'une manière exorbitante, quoi. Bon. Et pour revenir en arrière, généralement, on revient rarement en arrière. Effectivement, c'est le cas. Si vous avez des infos sur... je passe du coq à l'âne, mais si vous avez des infos sur le match de ce soir en ce qui concerne l'Espagne et la Tunisie, il y avait 1-0 tout à l'heure pour la Tunisie. Moi, j'aimerais bien savoir le résultat. Donc, pour les amis qui nous écoutent et qui regardent en même temps la télé, un petit SMS, ça fera pas de mal pour être à fond dans l'info. Je pense à nos correspondants qui, justement, où sont-ils, Lorenzo? Dans quel troquet? Les infos, quoi, des petites anecdotes. Il y en a un qui est dans le barrio du Gracia et puis l'autre qui est dans le barrio Gotico juste à côté. Alors, nos amis de SoFoot qui sont les représentants du magazine SoFoot ici à Barcelone et qui nous ont fait le plaisir aussi de venir dans les studios pour nous parler un petit peu de foot, nous donner leur petit pronostic concernant la France en Coupe du Monde. Il y en a eu un qui a eu raison, l'autre qui a eu tort. Ça serait bien de refaire une émission avec eux en leur rediffusant. On va leur rediffuser le petit passage ici dans les studios quand ils ont fait leur pronostic. Nous, en ce qui nous concerne, on va écouter de la musique en live ici, puisqu'il va y avoir un petit bœuf dans les studios, tranquillement, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau, parce que c'est l'été à Barcelone et qu'on est venu un petit peu les mains dans les poches en Marcel et en maillot. Et que la musique s'y est en vrai. Exactement, la musique est quand même la principale attraction dans cette émission, puisque le principe est de vous faire découvrir des groupes et puis attraction. De vous donner... J'aime bien l'attraction, tourner manège un petit peu, tout mais ça. Mais on fait du divertissement quand même. Mais bien sûr, c'est clair. On fait du divertissement. Avant d'aller récupérer nos amis musicos qui vont nous rejoindre dans les studios, qui vont nous faire le plaisir de chanter, de danser, et puis de faire plein de musique, et puis dans la bonne humeur, la traditionnelle bonne humeur, évidemment, de cette émission. Alors là, quand on entend ça, Lorenzo, écoute, alors là, moi, j'imagine même pas les gens se dire, on va changer de fréquence. Ah hein, non, c'est pas possible. Parce que là, tout de suite, on a l'eau à la bouche, on se dit, waouh, attention, ça va envoyer du gros, mais vous inquiétez pas, effectivement, ça va envoyer du gros. Deux, trois petites marches, un petit coup d'œil au palmier, et dans 5 minutes, on est de retour. Allez, olé, olé, il fait chaud, il fait beau, vive Barcelone, on est lundi. Benga. Nous, on va écouter du reggae, comme d'habitude dans cette émission. On ne change pas une équipe qui gagne, donc forcément une petite session reggae-raga. C'est ce qui vous attend dans un tout petit instant avec notre ami Lyrickson. Et notre ami Sylvain va descendre rapidement les escaliers pour aller chercher nos amis musicaux, ce qui vont nous faire le plaisir de chanter en direct. Vous êtes sur Radio Contrabanda, ça se passe sur le 91.4, le www.contrabanda.org. Et dans un tout petit instant, Mister Lyrickson. I'm a callous with more fire. And Jackson is wise as nice to escape the bad men crop. Get to your dog, build and run. But Jaja, yes, we see this is a long road. And as the bad men make it longer with them, this is slow. But the man come and knows that this, them have to reach them goal. So let the bad men sing deep in them evil complot. Papa, oh, me, join me, recognize this long road. Me see me people dying from this Babylon road. Your children gonna leave the throne. From day one, they only raise the mighty lion. Even though this is a bad love, bad love. This is a bad love. That's why you don't need you to trace them downward. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't live with no more. Me tell you, say bad love, bad love, bad love. Your proper tongue again, change how we run word. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no more. We know the world worth more than gold, but an action in its time worth more than diamond. We don't give we no choices, bravely radical solutions. So that's why me pray going so. Help me bring down the vaccination. Eradicate the reign of the hidden kingdom. Deal with the youth, a happy nation. Spread love for the poor, set bad for the burning, but the sweet. Maca marijuana to legal promotion. Raise the man's mind to start a revolution. Abstain from the world, the bad now Bill Clinton. The Rasta culture, even though this a bad love, bad love. This is a bad love. Rasta youth don't need you to try them downward. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no more. Me tell you say bad love, bad love, bad love. Your proper tongue that can change how we run world. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no more. Them a rule my town. Lord, you give me a mission. Bring down the hidden kingdom and liberty nation all at once. Hey, yeah, and help me escape the false religion. Them that promote government trick we and put us under even though. Even though this a bad love, bad love. This is a bad love. That's why you don't need you to try them downward. Bad love, bad love, bad love. Mafia don't give we no vote. But as I yes, we see this is a long road. And as the bad men make it longer with them since the flood. In them circuit. Dreadlocks can't live in a hut. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Dreadlocks can't live in privacy, hey. Watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Dreadlocks can't smoke in pipe in peace. Too much informers and too much peace. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Can't barely trade in a tenement yard. Can't any trade in a tenement yard. Watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Dreadlocks can penetrate the rain, man. All he might do is say, Jaja Lana. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Too much watchy, watchy, watchy, too much so. Can't penetrate in a tenement, yeah. Can't penetrate in a tenement, yeah. Dreadlocks can leak in pipe in peace. Too much informer. In a tenement yard, can't penetrate. In a tenement yard, can't penetrate. Can't I need in a tenement yard? Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter. I search the marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Soldiers in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work when up the steel gun come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that swing DJ and blow. Pull it down the radio. Swing on the intercom. Rosie tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of fruit and I started to run. Here I come, oh. 2 months later, she said, come and get your son. But I don't want your baby to come tie me down. I got you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly wop, boop, boodly diddly, whoa. Swing, extra size, extra size. Extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom rules, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. Here I come. Here I come. Diddly, diddly, diddly, whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Over the ocean and over the sea, all of the girls, them are both for we. Intercom rose, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Cause you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly rock, boom. Son nom à lui c'est Mr. Barrington Levy. Et je crois qu'on pouvait pas mieux commencer avec mon ami Chavi. Parce que premièrement il adore cette chanson. Deuxièmement il la connaît par cœur. Il vient de nous la faire en live dans le studio. Ah, c'est énorme. Et il nous disait ici chez vous il fait super chaud les gars quoi. Bah ouais mais ici mais déjà nous on est chaud déjà. Ah déjà faut commencer. Le dire, faut le dire. Et puis partout on va c'est chaud. Enfin c'est continuel. Et il savait qu'on était chaud puisqu'il nous a précisé qu'il était venu avec sa copine et que c'était sa copine. Alors attention. Ah. Ça rigole pas Marie, pas touche, on touchera pas Marie. Elle promis, je te jure. C'est vrai. Pas rien. Comment tu vas Chavi? Mon pote. Good, good, good. Ouais ça va, ça se passe. Ouais ça va bien. La vie est belle. Ouais Barcelone. Ouais. Ouais, alors on va pas te laisser dîner tout de suite, hein. On va d'abord t'écouter, allez. Tranquillement. Alors, on te voit pas souvent, mais t'es quand même assez régulièrement ici. Régulier. Tu viens chercher inspiration ici? Yes. C'est vrai? Yes, big inspiration. Yes. Ça fait plaisir. Il faut, hein. Ouais. Il faut. Tu m'étonnes. On est tous là pour ça, quoi. Et tu t'inspires ici de Barcelone, des musiciens de Barcelone, ou c'est qu'est-ce que tu viens chercher ici? Music. Non, la mentalité, le cœur des gens ici. Hein. Ouais, ah ouais. C'est plus cool qu'à Toulouse. Toi, tu viens de Toulouse, hein? Ouais. D'accord, comment ça se passe à Toulouse? Il fait beau là-bas? Le problème de Toulouse, tu vois, là il m'est arrivé une grosse déception. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, parce que là, non, mais un truc sérieux, quoi. Qui m'a bouleversé, en fait, énormément. En fait, j'avais un petit chat. Ouais, ah ouais. Un petit chat, je sais pas si vous l'avez déjà vu, un petit chat Pikachu. Non. Pikachu. Et en fait, si tu veux, il y a eu un truc particulier. Près de chez moi, et puis en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que c'était des voisins du dessous, ben je juge personne. Donc. Tu veux dire qu'il a fait de la musique Pikachu Non, en fait, j'ai retrouvé mon chat mort devant chez moi quoi. Tu rigoles? Ouais. C'est une provoque, c'est une attaque par rapport à quoi ça? À mon avis, tu vois, c'est la mentalité des gens, quoi. Il faut pas un seul bruit, machin. Et puis, pourtant, tu vois, c'était un petit chat inoffensif, quoi. Il a jamais fait de mal à personne. Il avait pas plus gentil. Non, mais on connaît. Bon. Moi, je connais des chats qui miaulent tellement que, franchement, ça affole. Donc, du coup, je suis un peu dégoûté. Donc t'es vraiment ton inspiration ici. Tu t'es dit ouais, Toulouse c'est bon, en plus le chat. T'imagines quand même, moi je trouve ça hallucinant que les mecs par règlement de compte ils étaient aussi loin. Alors je sais pas si c'est par rapport au bruit parce que tu fais machin. Toujours est-il que t'imagines quand même aller tuer ton animal domestique parce que ton voisin fout le bordel ou parce qu'il a un truc à te reprocher. C'est-à-dire qu'au lieu de toquer chez toi et de dire bon allez on va boire l'apéro, on va discuter, on va faire les choses calmement. Non, carrément, le mec il attaque carrément le chat et il le tue. Bon. Alors qu'en France la nuit c'est calme, quoi, tu vois, et souvent on dit il y a pas une chatte dans la rue, quoi, des choses comme ça, quoi. Ouais, et on se demande après d'où vient le problème du bruit, enfin une certaine persécution. Bref, ouais, donc j'étais un peu dégoûté. Bon, c'est pour ça que. Écoute. Que là, si tu veux, il faut qu'il y ait un changement, quoi, dans ma vie, quoi. Eh bah tant mieux, en tout cas bien le welcome, hein. Tu sais, tu connais la chanson Barcelone, c'est aussi chez toi, puisqu'on te voit souvent avec ta guitare dans le quartier, et jamais sans ta guitare, toujours avec la guitare, toujours avec le sourire aussi, parce que moi je te connais avec le sourire, je sais qu'il y a des choses qui sont dramatiques, et là franchement je trouve ça hallucinant ce que tu me racontes, mais c'est pas la première fois qu'on me raconte un truc comme ça, hein. Moi j'ai un pote qui a eu la même chose avec un chien, c'est-à-dire qu'il a retrouvé son chien mort, et c'était ses voisins qui l'avaient empoisonné parce qu'il pouvait plus blairer les aboiements. Donc voilà, les gens sont comme ça, et malheureusement ça se passe un peu partout pareil. Au sujet des chiens, tiens, on a une info à faire circuler, tu vois, quand il y a eu la Tough Tech, qu'il y a eu des bruits qui ont couru comme quoi il y en a qui ont mis les prods dans les chiens et qu'ils ont éventré, ça a été démenti et bel et bien confirmé que c'était des conneries par la presse. Effectivement. Il faut le dire, par rapport au mouvement techno qui a des problèmes par rapport à leur image. Voilà. Ouais, aussi, parle de chiens, de chattes, de tout, quoi, des perroquets aussi. Ouais. J'ai vu un perroquet dans la rue, et invraisemblable, Lorenzo. On a vu un panda dans la Cave Avignon, il y avait un clip qui se tournait, un vrai panda. Enfin bref, pour le délire animaux, parce que c'est vrai, moi j'écoute tes histoires de chats, vraiment sérieusement. Hein. Non mais il y a une rubrique animalière dans cette émission maintenant, c'est régulier. Bon, il dit un paquet de conneries, mais c'est pas grave. Non mais juste effectivement, pour rappeler là-dessus, c'est qu'il y a eu une teuf, une free party qui a eu lieu en Bretagne. Ouais. Et suite à la teuf, évidemment, pour casser l'image des teufeurs, des organisations et des fêtes clandestines, ils ont sorti le lendemain en première page de différents journaux, qu'on citera pas parce que ça vaut pas le coup, c'est du papier poubelle. Ils ont effectivement sorti que un certain nombre de gens étaient rentrés à l'intérieur de la fête avec leurs chiens et qu'ils avaient blindé leurs chiens de pilules pour pouvoir passer les forces de l'ordre et les contrôles de police. Ouais. Et qu'ils avaient retrouvé effectivement une quinzaine de chiens éventrés pour récupérer la drogue. Or, ça a été démenti, c'est de la grosse connerie. Il y a eu un chien qui a été écrasé, mais ça c'est pour une autre histoire. Ouais. Mais voilà, c'est une information qui a été démentie. Je pense que maintenant il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport à l'image des teufeurs et des fêtes clandestines telles qu'on les appelle free party, parce qu'il faut casser cette image, il faut casser ces fêtes là, il faut que les gens aient peur, et si les gens ont peur ils vont protester pour pas qu'il y en ait, et s'il y en a pas, et ben il y a plus de jeunes dans la rue. Voilà, c'était juste la parenthèse. Bref, alors il y a ta guitare qui est dans le coin. Yes. Alors moi j'aimerais bien que tu joues un peu, je te la chope, hein. T'as le droit de miauler, d'aboyer, de faire tout ce que tu veux, pure improvisation, la gratte est là. Ah ouais, c'est bon, merci. On l'a fait passer entre les micros. Et Manu, il est venu alors ici? Ouais, Manu est passé ici, effectivement, la semaine dernière. Il y a du monde. Ouais. Il y a Manu qui est passé il y a deux petites semaines, ici, tranquille, il a fait une heure et demie d'antenne, bien. Et là, il a joué un peu. Et il a pas joué. Il a pas joué. Non, il est venu parler. Mais c'était le plus important dans cette émission, cette semaine. Sérieux? Ouais. On espère qu'il reviendra, faire deux, trois petits accords à l'arrache. La porte sont grandes ouvertes. Ouais. Bah, parce que hier, je suis allé le voir en concert. Ouais. Ah, écoute, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'était cool, hein. Ouais. Ce soir, Borobelote, ils l'ont refait. Et demain aussi à la Salamandra. Et demain aussi. Vous avez des places gratos pop à la radio, pour l'instant, on a que dalle. On attend de nous envoyer des trucs pour les refourguer. Bon, on va regarder 2-3. Non, mais par contre, concernant le festival d'hier, effectivement, le concert, Contrabanda nous a quand même offert 2 places et j'ai trouvé ça super sympa. C'est vrai. La direction de Contrabanda, qu'on salue bien bas d'ailleurs. Et qu'on aime beaucoup. Sinon, sans qui on ferait pas cette émission en France. français. Bien, bien, bien. Ouais. Alors, mon Chavi, on va t'écouter. Bah, respect à vous quand même. Hein. Eh ben, bah, je t'en prie. Parce que, yeah, parce que vous êtes très actif à Barcelone quand même. Eh ben, bah, tant mieux, il faut. Hein. Entre les organisations de concerts et les émissions de radio. Bah, avant que je commence, je vous présente quand même le collègue. Quoi. Eh ben, bah, vas-y, le collègue. Comment ça va, c'est cool. Ouais, ça va pas mal. Hein. Ton prénom super. Dan Gaucho de la Vega. Ah, mais tout le monde dit Gaucho, c'est plus simple Gaucho. De la Vega. Et écoute, j'ai un pseudo Manolo de la Vega Uno sur Internet. Ah, comme quoi, on était. Essaye. Ça le fait. Et toi, c'est quoi, Diego ou... Non, Gaucho. Et Gaucho, c'est quoi? T'as des origines espagnoles? Non, moi, en fait, j'ai des origines portugaises, mais depuis long time, par rapport à différents trucs avec mes collègues, on m'a appelé comme ça, tu vois, depuis long time, quoi. Et toi, t'es ici à Toulouse, juste de passage, comme Xavi, pour moi? Voilà, je suis parti. Xavi m'a invité là, pour venir quelques jours à Barcelone, ce qui m'a fait bien plaisir, d'ailleurs. Bah, ça fait du bien d'être là, non? Ma foi. C'est la première fois? Premier passage? Non, j'étais venu déjà, mais il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Et t'as vu du changement ici? Tu t'es aperçu que les gens étaient peut-être pas de la même façon qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de Bah, le fait que je sois jeune, quand j'étais venu la première fois, c'est différent maintenant que j'ai 28 balais, voilà, je vais dans les rues le soir, je me promène, je vois des trucs que je voyais pas quand j'étais petit, quoi. T'es en voyage de classe avec les profs autour de toi? Non, j'étais venu avec mes parents, mais c'était différent, toi, je devais avoir 14-15 ans, donc bon, c'est différent, c'est clair. Et tu fais de la musique aussi, alors? Voilà, je fais aussi de la musique. Et tes références musicales sont les mêmes que celles de Chavi? On écoute beaucoup de reggae, ouais, c'est clair. Après, moi, c'est vrai que j'ai aussi une... j'écoute aussi pas mal de ragamuffin aussi. Aussi, quel genre? Des références en matière de raga Moi, je suis un gros fan d'Elephant Man, de Tequila. On parle beaucoup de, évidemment, les grands piliers, les Capleton et les Sizzla. Sizzla qui surproduit en ce moment, qui fait beaucoup de choses. Et je crois qu'il est en train de se discréditer par rapport à tout ça, puisqu'à vouloir trop en faire et à vouloir surproduire. Je suis un peu d'accord avec toi, parce que c'est vrai que moi, Sizzla, c'est un gars, il sort je sais pas combien d'albums par an. Pour moi, en tout cas, il y a la majorité de ses albums qui sont pour moi pas bons. Ouais. Alors qu'à la base, c'est quand même un artiste que je respecte grave. Ouais, qui est très fort. Hein. Qui est très fort, vraiment très fort. Et à côté de ça, avec différents producteurs et sur des singles en 45 tours qui déchirent, quoi. Qui sont mortels. Parce que je crois qu'il doit gérer aussi, il doit gérer un business au niveau caillasse aussi, par rapport à ses albums. Et... La caillasse, mon frère, il fait de la pougnasse, t'as raison, c'est clair. D'un côté, la caillasse avec les albums, et de l'autre côté, tout qui fait vraiment bien avec les singles et des producteurs qui marchent bien comme Corleone, par exemple. Tu veux dire qu'il en fait peut-être un peu trop, quoi. On le voit partout, il sort trop de choses dans l'année. Qu'il en fasse trop, je sais pas, c'est peut-être pas forcément le problème, mais qu'il fasse des trucs moins bien. Parce que tout le monde sait que Sizzla, c'est un artiste qui cartonne grave. Et qu'il fait des purs singles. Toutes les semaines, on entend des trucs de Sizzla, c'est un truc de fou. Et qu'à côté de ça, il sort des albums, ou les albums, t'entends des trucs, tu fais putain. C'est lui ou c'est pas lui? Ouais, il arrive en studio, il a posé une voix, il a tracé la route, quoi. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus, et en matière de raga, une logique commerciale, aussi bien pour Capleton, pour des grands artistes qui représentent, si tu veux, le genre musical, raga, etc. Et qu'effectivement, à force de trop produire, il y a des albums où il y a quasi la majorité qui est bidon, ça vaut rien. Et c'est vrai que s'il se concentrait, qu'il faisait un album plus réfléchi, plus carré, etc. Capleton sort moins d'albums, et enfin, pour moi, les albums de Capleton sont meilleurs que les albums de Sizzla. Voilà, et pour moi, c'est la même. Voilà, c'est pour ça. On est d'accord là-dessus. Sizzla sur production, mais ça se passe comme ça, c'est la logique commerciale des artistes. Voilà. Et vous en êtes pas là, et vous allez nous faire le plaisir de chanter. Reggae music. Sweet. Reggae music. I like it, just like that. Uh-huh. I like it. Just like that. Batan. Uh-huh. Tu voulais que les choses avancent, tu voulais qu'elles deviennent enfin carré. Tu ne veux plus cohabiter dans une pure de 5 mais carré. Faut que tu bouges, faut que tu t'assines, non, tu voulais venir t'arrêter. Tu voulais bien te poser, te stabiliser pour manger à la fin. Beaucoup sont obligés d'aller voler, faire des gars dans les magasins. Pour qu'ils t'en se faire serrer. Passons mieux pour voler, que d'aller mendier. Pour tous les chaînes des brouillards, chers amigos, je reviens dédicacé. Yeah, yeah, yeah, man. Shut me down, go to combination time tonight. Barton. Yeah, man. I will never forget it, no. Yeah. ne t'appelles pas bébé, tu ne t'appelles pas bébé, bébé camou, gêné, fais le fais, fais. Non, go to shame, I come back again, you ready? Alright, here we go. Mais tu ne t'appelles pas Bécamou, Jennifer Lopez. Tu ne prends pas de cam autour de toi, ça sent pas le baisse. Mais beaucoup d'état dame, dame, car le système te baisse. La bonne foi, tu clames, mais dans ce temps, tu n'es pas à l'aise. C'est de fond des crasses pour se faire de la caillasse. Toujours en mouvement, la merde ne peut pas rester en place. Passant, tu n'as pas le choix, il ne faut pas se voiler la face. Allez donc, qui pousse, pousse, alors bien vite, tu traces. Request to the man called Garnel Silk. What's up? Don't they know this is nothing new? Hey, if you do wrong, they complain. Yeah, man. Even if we go to father's name, it's the same. Want us to do? Don't they know? Hey, tchao, yo, hey. Le gouvernement ne fait pas face à ses responsabilités. Mais le contraire, plus ça va et tout ça ne fait qu'empirer. Quand je vois des gars comme Sarkozy, mais c'est vrai que ça me fait flipper. Venez me dire à la finale qu'il doit se sentir agressé. Quand je vois des escrocs comme Grosse-Marie qui détournent des millions, qui ne font presque pas de pression. Rappelle-toi Maurice Papon, y'en a pour des faits beaucoup moins graves, pour beaucoup plus. Mais peux-tu me dire à la finale ce qui est ou ce qui n'est pas juste? Yeah man. Shami, long go to Solomak MC. Yeah, man. Alright. Chop, non. Et je deviens ouf quand je vois des gars comme George W. Bush. Non, mais qui ferait beaucoup mieux de fermer leur grande bouche. Non, mais c'est clair que ce genre de gars en tient une couche. Non, mais quand est-ce qu'enfin pour nous les mettre sur la touche? Et je deviens ouf quand je vois des dictateurs comme Saddam Hussein. Je deviens ouf quand je vois des gars comme Oussama Ben Laden. Terrorisme international, non, qui n'arrête pas de faire des siennes ou des magaines. Ou des magaines, magaines, magaines. Ah. Yeah, yeah, yeah, Mitchell. Yeah, mortel, les gars. Terrible. Vive le direct. Moi, j'envoie un gros pull-up en son système pour que ça reparte dès le début. On est reparti, ouais, mais vous allez me refaire ça dans deux petites minutes. Alors, c'est bien de faire un mélange raga. Toi, t'as une voix qui est exceptionnelle, hein. Ah, en matière de... Non, ouais. Non, mais t'as des voix de Renoir. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est un compliment, hein. En matière de Raya, là, franchement. Une voix bien rocailleuse. Ouais, j'aime bien. Et bah, de radio aussi, hardcore, d'ailleurs. Quoi. D'ailleurs, faudrait que tu fasses de la radio plus souvent, hein. Tu vas Tu sais, à Toulouse, radio, je suis toutes les semaines. Ouais. Ah ouais? T'as un programme aussi là-bas ou? Ouais, bah, je suis souvent sur Éphémère, Radio Campus, tout ça. Éphémère, Radio Campus. Pareil, j'ai fait beaucoup de radio aussi. Il y a une radio qui vient de Toulouse qui s'appelle Le Move. J'ai jamais été là-bas, par contre. Ah, peut-être une fois, c'est peut-être une fois. Je crois que c'est une radio rock qui est, je crois qu'elle a, elle a été lancée à Toulouse par la cité universitaire, plus ou moins, ou par des étudiants. Et c'est une radio qui a tellement bien marché qu'elle a été rachetée par les autres grandes villes, genre Montpellier, Lyon, Lille, Paris, etc. Ah. Et qui se développe de plus en plus et qui est aujourd'hui un émetteur à l'échelle nationale. Bah, tu m'apprends un truc parce que j'avais pas ça. Et ça vient de chez vous, ça. Ça vient de chez vous, le Move. Voilà. De Toulouse. Et Radio Éphémère, c'est quoi? C'est quoi Radio Éphémère? C'est quel style de radio? Oh, c'est une radio vachement underground, hein. Et toi, tu fais quoi là-bas? T'as un programme ou tu passes justement? Bah, en fait, moi, il y a un sound system avec qui j'ai tourné pas mal à Toulouse, entre Toulouse et Paris, qui s'appelle Bam Salut. Mm-hmm. Et un des sélecteurs de Bam Salut, il officie donc à la radio tous les vendredis soirs. Mm-hmm. Et donc moi, bon, c'est vrai qu'un petit peu moins maintenant qu'à une époque, mais moi, tous les vendredis soirs, j'étais là-bas et j'animais beaucoup avec lui, quoi. J'animais beaucoup avec lui et puis je chantais aussi en... Et les textes qu'on vient d'écouter par exemple, c'est des textes que t'as fait toi tout seul? Ouais, c'est-à-dire que j'ai écrit moi-même. D'accord. Et comment tu composes justement par rapport à ça? J'imagine que ça doit être super compliqué. Moi quand j'écoute du raga, puisque je suis fan de raga, je me dis toujours, est-ce qu'ils cherchent d'abord, c'est-à-dire la zik de fond et après ils s'y mettent pour écrire, ou est-ce que t'écris et après en fonction de ça tu... Ouais, comment vous êtes accordé avec Chavi là-dessus? C'est lui qui est plus reggae justement derrière, avec la notion reggae machin. Et c'est ça qui est bien, l'alternance des deux, moi j'aime beaucoup. Alors, tu peux y aller, hein, tu peux. C'est au feeling, c'est ça, les gars, non? C'est au feeling. Là, tu peux ouvrir une bière tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est vachement au feeling, c'est vrai, ouais, parce que Chami, ça a été travaillé, bien sûr, mais c'est parti comme ça, 2-3 accords, t'as ouais, posé dessus. Voilà, ça va bien. Déjà, Chami, on s'est rencontrés dans les soirées, souvent, tu vois. Voilà. Enfin, en train à Toulouse, tout ça, et on s'est vu. Donc il y a des lieux à Toulouse. Chami tape trois accords, et Chami chante un peu. Moi, je vais le suivre, et puis ça continue. Et tu vois, c'est cool, quoi. Et t'as des bonnes adresses justement par rapport à ça, pour que les musiciens se rencontrent chez vous à Toulouse. Il y a des lieux où ça part comme ça en bœuf à la cool. C'est la rue, hein. C'est la Calle, ouais, comme ici. Mais la rue, justement, elle est pas plus interdite à Toulouse qu'à Barcelone, justement. Parce que ici, il y a un problème qui se pose, c'est qu'effectivement, avant, les musiciens avaient beaucoup de liberté par rapport à tout ça. Ça aussi, ces jours-ci, et qu'il y a des lois qui ont été votées par l'Ayuntamiento ici à Barcelone, qui justement ont ciblé les musiciens en tant que ceux qu'il fallait vraiment le plus possible mettre de côté, parce qu'il fallait ne plus en entendre parler. Donc les musiciens aujourd'hui ont de gros problèmes pour pouvoir jouer dans la rue. J'imagine qu'à Toulouse et en France, il y a quand même beaucoup plus de lois qui ont été votées, même beaucoup. Surtout en France, ça part un peu en couille. J'imagine. Ouais. Mais c'est vrai que moi-même, il y a 2-3 jours, là, j'ai fait un freestyle avec des gars. Barcelone là, super cool, puis on s'est fait jeter par les keufs, quoi. Ouais, direct. Ouais, et à Toulouse justement, par rapport à ça, vous jouez dans la rue, il y a des gens qui peuvent vous voir. Ouais, peut-être un petit peu moins qu'à Barcelone, parce que c'est vrai que je connais pas aussi bien Barcelone, tu vois, peut-être un peu moins à Toulouse quand même, mais c'est vrai que moi ça m'arrive quand même régulièrement d'aller jouer comme ça avec les copains. Voilà, c'est clair, sur les berges. Et c'est un milieu, tout le monde se connaît, vous êtes plein de zikos comme ça, circuler dans la rue, c'est comme à Barcelone. C'est vrai que même si Toulouse est une grande ville en France, je pense qu'elle n'est pas aussi balèze que Barcelone. Je pense que moi, je connais pas encore bien Barcelone, donc je peux pas vraiment me prononcer par rapport à ça, quoi. Et puis je pense que musicalement, effectivement, Barcelone est quand même beaucoup plus développée par rapport à beaucoup de choses. Je pense aussi, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de musiciens. Il y a quand même des lieux underground par chez toi. Il y a quoi, la caravane Serail qui fait des trucs pas mal bourrin, que Pont Hardcore, tout ça, non? La sortie de Toulouse. On nous a parlé aussi qu'il y avait un méga grand squat dans le centre-ville, dans des lieux publics assez incroyables qu'ils ont fermé il y a à peine un an. Ça te dit rien? Enfin, un lieu mythique à Toulouse. Ah oui, si, je vois l'ancienne préfecture là. Ouais. Comment ça s'appelait déjà? Méris. Voilà. Ouais. Maintenant ça a rouvert, c'est moins dans le centre-ville, parce qu'en fait ils avaient investi les locaux de l'ancienne préfecture de Toulouse. Ouais. Et c'est vrai, c'était un lieu magnifique. Incroyable. Ah ouais, c'était incroyable, c'est clair. Franchement, c'était vraiment c'était impressionnant. J'ai eu la chance de jouer 2-3 fois là-bas aussi, d'avoir pris mon pied vraiment comme il fallait, quoi, c'est clair. Et maintenant, c'est dans un autre local et je suis pas encore allé, en fait. Et quand tu dis on joue, c'est t'as un collectif, il y a des mecs avec qui tu joues régulièrement. Moi, je suis un peu DJ Taxi, parce que c'est vrai que je tourne avec différents sound systems. Je tourne aussi avec quelques backing entre Nantes, Paris, Montpellier, tu vois, je tourne un peu, quoi. Moi, en plus, je suis pas très difficile, donc il suffit qu'on travaille un petit peu une après-midi et le soir même on peut jouer, quoi. Tu disais quoi, Nantes, Paris, Montpellier? Nantes, Paris, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne. Donc tu bouges à Nantes, tu vas pas mal, parce qu'apparemment il y a pas mal de chatteurs, des mecs qui mixent, ça part aussi en hip-hop, je fais aussi un peu, pas hip-hop. Mais ça sent dans les textes que tu fais un peu. Mais hip-hop raga, j'en fais un petit peu, quoi. Mais est-ce que c'est pas lié justement à la façon dont on écrit en raga et en hip-hop? Il y a une structure qui est la même. Moi, en fait, je gère ma façon d'écrire, et je gère beaucoup aussi par rapport à, parce que je suis un peu plus singer, en fait, quelque part, mélange de chant et de tos, quoi. Donc pour moi, les mélodies sont vachement importantes. C'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire du reggae ou chanter un peu plus, quoi. Ouais. Même si je suis quand même un toaster dans l'âme, quoi, on va dire. Après, au niveau du hip-hop, je pense que c'est moins dans le chant, c'est clair, mais ils se prennent un peu plus la tête au niveau de l'écriture. En tout cas, tu écris des trucs d'actualité. Hein. Tu parlais de Bush, de Sarko, de quoi aussi, de comment aussi, il s'appelle, Hussein. Maca fuck Sarkozy. Ouais, tu parlais aussi du mec qui a détourné des thunes là. Ouais, Papon. Rosemary. Rosemary. C'est intéressant. Ouais. Effectivement. En arrière, et tout, je suis tombé là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Parce que t'enchaînes, il y a du flow, quoi. Faut suivre. C'est intéressant. Et il y a de la mélodie avec. C'est pour ça que tu parlais de musique aussi. Il y a beaucoup de mélodie. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants, en tout cas. Alors, juste un petit conseil. Je sais pas si t'es là demain et si vous êtes là jeudi. Sachez qu'il y a 2 sound systems qui sont ici hyper importants à Barcelone. Et qui sont réguliers chaque semaine. Il y a le 32 de la Rambla del Raval. Donc la Rambla del Raval, toi Chavi, tu vois où c'est. Ça se passe au 32. Il y a des potes à nous qui font, qui s'appellent Black Mountain Selection, et qui viennent aussi de France et qui font des sound systems. Donc avec eux, tu pourras toaster si t'as envie et passer une bonne soirée. Et aussi, ça se passe jeudi, ça se passe au Big Wood. Ça, c'est pour l'info pour les gabachos qui nous écoutent derrière la poste de radio, qui n'ont pas forcément beaucoup de plans de soirée de jeudi. Vous pourrez aller au Big Wood. Ça se passe pas loin du Rasmatas, et là-bas sound system évidemment, à côté de la Macabra. C'est juste en face de la Macabra. La Macabra, c'est un gros squat à Barcelone. Il y a aussi beaucoup de soirées. Et là, il y a un sound system système avec notre ami Lionel. Lionel qui a eu l'occasion de participer à cette émission plus d'une fois et qu'on va avoir l'occasion d'avoir très prochainement dans cette émission pour annoncer donc sa soirée du jeudi. Ça s'appelle Be Good Sound System et ça se passe jeudi à partir de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. Voilà, l'entrée est à 3€ et puis il y a une conso avec et il y a de bons sons. Et puis d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de t'écouter là-bas. Ah, tu vas le voir de notre part. Tu dis c'est Contrabanda qui m'envoie pour prendre le micro, ils vont te lâcher le micro direct. Ah, c'est gentil. Ça, il n'y a pas beaucoup de problème. Est-ce que tu connais un mec qui s'appelle Damien Marley? Ouais, Jinargong. Ouais, voilà. Alors, on nous l'a demandé sur par mail la semaine dernière de la diffuser parce que ça a été le single de l'année, Reggae. C'est vrai, exact, c'est vrai, je suis au courant, ouais. Et le clip, quasiment, carrément. J'ai même fait un duplate sur cet instrumental aussi. Aussi. Pour un son qui s'appelle Mighty Earth, j'en passe une spéciale. Parce qu'ils sont venus en plus il n'y a pas longtemps, là. Ils sont venus à Barcelone parce qu'il y avait Kilimanjaro qui jouait il n'y a pas longtemps. Effectivement, exact. Voilà, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir venir. Ils étaient à l'Apollo. J'ai regretté. C'est clair, parce que Kilimanjaro, je respecte depuis long, long time. Ouais, j'avoue. J'ai pas pu venir, mais bon, prochaine fois, Inch'Allah. À voir. Dans un tout petit instant, sur Radio Contrabanda, ça s'appelle Jamrock. Ça, c'est son titre phare de cette année. Celui qui est sorti en disant single de l'année, il s'appelle Damien Marley. Oui, c'est effectivement un des fils de Bob Marley. Et il a sorti donc ce fameux single qui a cartonné, qu'on vous fait écouter dans un tout petit instant. Vous êtes sur Radio Contrabanda, il est 22h50, pile poil. Camp where the thugs them camp at. 2 pound a weed in a van back. It in a your handbag, your knapsack. It in a your backpack. The smell of give your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start clap it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Funny man a get dropped like a bad habit. Some a bad a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. I'll come for jam rock. Hey. I'll come for jam rock. Out in the street, they call it murder. I'll come for jam down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see the sufferation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks, so them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a roadblock, wish for the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out of rounds, I broke back ratchet. I come for jam rock. South side, north side. I come for jam rock. East coast, west coast. No. I come for jam rock. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. I come for jam rock. Out in the street. Jamaica, Jamaica, no. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica. Welcome to Jamaica. Welcome to Jamrock, c'est signé Damien Marley. Ça c'était pour le raga et la version un petit peu plus raga. Maintenant ça va se passer avec du roots, du reggae. C'est une réédition Macassand. Ça s'appelle The Roy Bourne. Je sais pas si tu connais, je te fais diffuser direct la pochette. Écoute ça, ça vaut le coup. Juste pour le plaisir des oreilles, vous êtes sur Radio Contrabanda. Il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, des oiseaux chantent. Et vous êtes en direct à la radio. Remember what the old man said. Ça c'est son prénom, c'est son nom et c'est une réédition de la musique reggae des années 60 en Jamaïque et c'est signé le label Macassonde, le label Macassonde qui est distribué maintenant à présent en Espagne et qu'on vous conseille d'aller vous procurer chez tous vos disquaires préférés. Voilà, ça se passe comme ça, toujours en compagnie de Xavi et de notre ami qui rappelle son prénom. Gaucho. Ah oui, Gaucho. Mais Gaucho comme notre ami Ronaldinho, non? Exactement. D'accord, Gaucho. D'où les références brésiliennes, portugaises, effectivement. Ouais, d'accord. Tu rebondis bien, sur le foot, parce que c'est un peu, écoute, d'ailleurs. Je suis un gros fan de foot. Moi, je suis un fan de football, en plus. Alors, dis-moi, est-ce que tu es au courant, vu que vous êtes arrivé après nous ici dans les studios, vous êtes au courant du score de l'Espagne ce soir? L'Espagne perdait 1-0 tout à l'heure devant la Tunisie. D'accord, on en est toujours là, d'accord. Donc l'Espagne qui perd 1-0. Après avoir gagné 4-0. Quand même, ça serait bien. Quoique pour les Tunisiens. Respect, grave. C'est grave, on est d'accord. On va vous écouter tous les deux. On est reparti. Xavi, c'est bon, t'es prêt? Cool. On y va. C'est quand vous voulez. Vous êtes sur Radio Contrabanda. Xavi Danga, Ochoa, come back again. Allez leur dire, je sors mon album bientôt. Ça s'appelle Lueur d'espoir. T'inquiète, mets-toi dans les bacs. Inch'Allah. Yeah, yeah, yeah, me tell ya. Yeah, yeah. But I feel like they follow me. Call me breaking, call me violent. Wow! I got not too long to wait. Somebody got so they mad, get down, go to a come back again. Yeah, yeah, yeah, me tell you. Oh no, no. Hey, check ça, yo, no. Mais dites-moi comment cela est-il possible? Pourquoi les hommes sont toujours autant hostiles? Dites-moi pourquoi elles commettent des meurtres horribles? Des femmes et des enfants souvent pris pour cible. Non, partout la guerre, partout la famine. Toujours beaucoup de victimes, la violence qui prime. La conquête du pouvoir souvent à l'origine. Mon Dieu, que faire pour arrêter tous ces crimes? Yeah, yeah, you may tell you. Shut me down, go to combination say time tonight. From here, I never seen this before. Followed my friend, I never seen. But it's the first time in Barcelona. Hey, I will sing for the eternity. If you are just follow me. Alright, sure. Intolérable, incohérence qui veut parler d'égalité entre les différents pays, hémisphères, nationalités. Il faut combattre tout ça, question de fraternité. Un jour peut-être pour parler de liberté pour toutes les différentes couleurs trop souvent différenciées. Nos sales idées, vous mettre de mauvaises pensées. Il faut arrêter de parler supériorité. De les hommes sont égaux, n'en faudrait peut-être pas l'oublier. Il faut rester positif. Restez positif, man. Oh, but never forget one just for this. I never see before. If I stay positive, yeah, yeah. Based on my friend, I never see. I will see. All right. All right, now. Checkly, hey, jump. Que la vie n'est pas simple, que la vie n'est pas facile, je leur dis. Dans ce temps, Babylone nous prend pour ses nananaos. Je reste cool, je reste tranquille. C'est vrai qu'il faut pas être sensible, faut pas être fragile. Parce qu'il est facile de tomber, moins facile de se relever. Différents obstacles que des lois surmonter. Beaucoup de choses à assumer, on ne fait pas toujours ce qui nous plaît. Les jeunes d'aujourd'hui sont parés de plus rien lâcher. On en place une toute spéciale pour tous les déterminés. On se laisse pas aller, tu sais, on sait se débrouiller. On est bien conscient qu'il y a que sur nous-mêmes qu'on peut compter. Même quand on est malheureux, la tête, on sait la relever. Ils ne savent pas que la vie n'est pas simple, que la vie n'est pas facile, je leur dis. Dans cet embabelle, on nous prend pour ses nananaum. Je reste cool, je reste tranquille. C'est vrai qu'il faut pas être sensible, faut pas être fragile. Nous vivons dans une période où le sida fait rage. N'oublie pas ta vocale, t'amuse pas à faire le vache. Dans cette société, tu sais beaucoup vivre en marge. Ne me déborde pas quand on même pour sauver c'est ceux qui sont malades. Escroquerie, vol de voiture, bagarre ou bien braquage. Je pense à tous mes refrains qui survivent en cage. Ils demandent l'insertion, non mais des replonges aux épées. Non mais dans ce cas-là, tu sais, c'est difficile de tourner la page. Son nom c'est Faya, Faya, Vendem Faya. Je me déborde Faya, toi-même tu sais trop de jeunes sont chez pas Faya, Faya. Burn them fire, no me que pas ça, mais no me commet ça, me la son nom c'est fire, fire, burn them fire, j'aime des bons voyages, toi même tu sais trop de jeunes, sont chez pas fire, fire, burn them fire, fire, fire, fire, fire. I say chant, Rasta man, chant, chant, I feel so high, I feel the new, the sky, meditation is so right, Rasta man, chant, chant, I feel so high. This one is for the ladies, yeah, let me tell you now. Alright, check it, tcha, yeah. Là, parfois, tu n'es pas tranquille. Avec mes franges, quand je fais mes moves en ville. Tu n'as pas peur que je me fasse casser les quilles. Tu crois plutôt que je vais draguer les filles. À côté de toi, pourtant, elles ne valent pas une vie. Franchement, je kiffe pas quand tu fronces les sourcils. Tu crois deviner mon jeu, alors bien vite, tu me kills. Avec toi, rien n'est simple, avec toi, rien n'est facile. Sans mal, les gosses sont des malouvas. Louvas, ma gamme file, aïe. Bouge ton corps, ça la step, non mais dis-moi si t'es ready, l'ova, l'ova. Pas comme film, style, que tu kiffes le raga. Ah, Jackson, hey, façon pour moi faire ça, quand on peut faire très compliqué. Le problème avec toi, c'est que tu le savais parce que tu voulais. Tu souhaitais, je m'en aille, mais tu disais que tu m'aimais. Moi, je ne comprenais pas tout, mais trop souvent, tu me reprochais de ne pas être osé, d'être pas travaillé, de passer trop de soirée à fumer, à teaser. Je rentrais tard le soir, souvent tu me traumatisais. Si j'étais trop chirdé, tu me laissais en chien sur le palier. Ça m'a des grosses et sur ton honneur, attiré par la Yaska. Si t'as pas de turbo, un beau briolet, car un beau BMM, Merco Classa. Ah ah, certaines seront capables de dire, mec, les gars, autre chose te plaît, casse-toi, motherfucker, you know. Yeah. Ah, j'adore. Tabou. J'adore. Ah, là-bas, les gars, putain, ça enchaîne. Bien, ouais, c'est le problème que t'as régulièrement avec les nanas qui te disent il faut que tu te poses, mon pote, il faut que tu te poses. Et ça nous fait flipper, nous, les mecs. Hein. Et ouais, ah, ouais, ouais. Flippe et fronce et front ses sourcils, tout ça. Ça et Marie, qu'est-ce ici, c'est un plus à la cool à Barcelone. T'as raison, on suit de près tes lyrics, il n'y a pas de problème. Marie, ma chérie, je tenais à la féliciter. D'être avec un mec comme toi, ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Non, bon. C'est clair. Félicitations maximum, respect, parce qu'elle a duré. Ah ouais, c'est énorme. T'en perds ton souffle, dis-moi. Respect, parce que. Elle a fait quoi? Parce que toute l'année, tu vois, elle a bien travaillé. Ouais. Et elle a eu la récompense. Et c'est quoi la récompense? C'est toi, non? Non, c'est la récompense, c'est les études. Tu vois. C'est les études, et eh ben c'est mortel. Elle a eu son année aujourd'hui. Eh putain, Marie. Avec. Attention! 13,8 de moyenne, hein. Mortel, ah putain, mais t'as rien à faire dans ce studio, hein, nous, c'est moins 13, l'étude, l'étude, donc, de, voilà, la vie, l'étude de la vie, l'étude de la vie, ça va continuer. Si quelqu'un connaît Marie, Ah ouais, fac de droit. Ah ouais, d'ailleurs. Respect. Appel à nos amis toulousains qui nous écoutent. Tout droit au maximum. Qui nous écoutent par le biais du net www.contrabande.org. Vous êtes derrière votre poste internet ici en France, que ça soit à Paris comme à Toulouse. Alors Marie, je sais pas le nom de ta fac. Toujours est-il que félicitations, 13,8. Franchement, tu m'as scotché. Et on a, sans même le savoir, on a commencé la fête déjà. C'est vrai. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Vas-y Marie, dis un petit mot. Comment tu vas? Ça va Marie? C'est celui-ci, vas-y, passe. Ouais, regarde, passe. Elle a, le maillot jaune, elle a gagné ce soir. Hein. C'est la même couleur que le micro. Allez, tu vas parler un petit peu. Oh, Marie, quand même. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Tu vas nous dire un petit coucou, regarde, dis bonjour à la fac et puis super. Allez, bonjour, merci. Et sinon, je vais te faire parler, moi, tu vois. On a les moyens de te faire parler, non, attention. Faut dire bonjour au micro. Bonjour, micro. On y va. Bon bah Marie, tant pis, tu vois quelques... Waouh. Ah, attention, il y a le voisin d'à côté qui a parlé. Respect. Attends, avant quand même de partir, comme il est connu comme le loup blanc à Toulouse, on va quand même le présenter quand même. Alors, vas-y, présente. Ah, il s'agit d'un gars qui vendait des cacahuètes. Il s'appelle Chouchou. Entre 1998 et 2005. Il a arrêté en 2005 parce que là, c'était la crise. Et c'était où il y avait plus de pigeons, il y avait un problème parce qu'on en a parlé. Il vendait des cacahuètes, si tu veux, des cacahuètes. Ah ouais. Et bah vas-y, tu veux nous dire un petit mot. C'est quoi ton prénom? Chouchou. Chouchou. Ah, Chouchou, bien sûr. Chouchou. La butte de place des clichés. Donc, Chouchou, Carton. Donc, il est super connu, hein, franchement. Hein, c'est le plus connu de nous tous. Et dis-moi, Chouchou, tu veux pas venir passer les frontières et venir ici à Barcelone pour vendre des cacahuètes? On en a besoin. Ben franchement, je sais pas encore. Peut-être bien avec le temps, je viendrai quoi. J'espère. Non. Écoute, il y a un business pigeon, Plaza Catalunya. Attention. Un business pigeon. Ouais, pigeon. Il y a de la cacahuète, pigeon, tout ça. Bon, beignet chouchou, c'est sur la plage, mais comme tu veux, il y a pas de problème. Il y a du taf. C'est vrai. Ouais, alors, non, j'ai vu ça. J'ai tenté un peu le terrain. Ouais. J'ai l'habitude. Parce que si tu veux, il y a quelque chose à faire, mais bon, tu connais pas les lois d'ici, quoi. Faut rentrer dans la mafia de la cacahuète, quoi. Écoute, si tu veux, je voulais dénoncer aussi l'abus de certaines personnes, tu vois. C'est-à-dire dans le business, qui cherchent que l'argent et tout. Dans le business de quoi? De la musique, des cacahuètes? On est perdu là maintenant. Ouais, là moi je vous suis plus là. Même moi je suis paumé dans ma propre émission. C'est juste parce que lui est dans le business, c'est pour ça que. Voilà, on parlait de Chouchou qui est là parce que c'est vrai qu'on est plusieurs, hein, parce qu'on a nos deux amis musiciens, Marie qui est effectivement ici. On a même le passage de Fernando. Alors là, c'est visite imprévisible. Hein. Notre ami Fernando. Notre correspondant ici, Fernando. En Catalan. Notre ami Fernando qui va nous dire un petit bonjour. Fernando que vous retrouvez jeudi prochain à partir de 11h pour la Paul Perilla, ça se passera sur Contrabanda aussi. Bonjour. Comment tu vas mon Fernando? Alors là. J'ai passé juste pour faire un coucou, pas pour parler. Hein. C'est pas grave, nous. On va t'écouter. C'est juste un coucou. Il y a un nouveau squat qui s'est ouvert, Fernando, ça c'est très important, la culture populaire, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, c'est génial, c'est à Sens, c'est une ancienne boîte que ça faisait 10 ans que t'es fermée. Ça a très bien marché les week-ends avec une programmation culturelle impressionnante. Et c'est jeudi à 20h, il y a une assemblée ouverte pour tout le monde qui a des propos. Proposer des groupes, parce qu'il faut le dire, il y a eu Piratas Sound System. Alors là, vous auriez kiffé, hein, les mecs. Du pur raga catalan sur des bons riddims bien connus. Il n'y en a pas 36 à faire ça ici. Avant, il y avait un groupe expérimental, il y avait qui? La bande à Kung Fu. Enfin, c'était énorme, quoi, l'ouverture du squat en direct. Ça l'a excité, hein. On voulait en parler. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit lui qui nous parle. Vas-y, dis-moi. C'est surtout le plus important. Mais voilà, il n'y a plus rien à dire, il a tout dit, c'était génial pour les débuts, il y avait une bonne programmation et ça va continuer, ça va rester ouvert. On a envie que ça soit un espace culturel pour Barcelone, pour la ville. Surtout pour la création artistique et pour les chances. Donc, et ça se passera jeudi à partir de 20h. Jeudi à partir de 20h, il y a une assemblée ouverte pour tous les propos, pour tous les groupes, pour toutes les personnes qui ont envie de faire des choses. Et puis la maison a été officiellement ouverte vendredi à 20h, ça s'est super bien passé, hyper festif. Tu peux justement nous parler de détails, tu vois, la commémoration qu'il y a pu avoir, l'ouverture du squat tel qu'il s'est fait. Ça a été un peu comme l'ouverture d'un lieu culturel tel d'un maire, tu vois, vas-y, parle-moi. Ouais, mais c'était un petit scénographie, non? Parce que c'était. Comment on dit? Ils sont cassés. Oui, ils ont cassé effectivement le mur juste pour donner la possibilité d'ouvrir. Mais ça fait, il y avait un travail derrière. Bah, j'imagine. Et nous, on a eu l'occasion de le vérifier aussi. Voilà, c'était la suite du théâtre Arnaud, la manif au Moulineau. Maintenant, ça arrive à Sens et ça va continuer vers la culture par là-bas. Ouais. Allons-y. C'est Cultura Lliure. Cultura on avait déjà parlé ici. Exact. On avait déjà annoncé, effectivement. C'était la suite, Fernando. La suite des épisodes. Ça se passe tous les lundis. Los Gabachos Banda. Et puis, en ce qui te concerne, ça sera 11h. La Poule Perilla, ça se passe jeudi. Même fréquence, 91.4. Et puis, même adresse internet, www.contrabanda.org. Pour les Gabachos qui nous écoutent. et qui veulent apprendre à parler espagnol. Ça se passe jeudi pour la Polperia. Merci Fernando. Merci. Grand, merci à vous. Et là, c'est reggae. Applaudissements du public. Là, c'est reggae, c'est en chaîne, Fernando. On va vous écouter, les gars. Il nous reste combien? Allez, 20 minutes. On va parler des concerts aussi. Si vous avez des dates à ajouter par rapport à ce qu'on va dire, les petits lieux que vous avez, que vous affectionnez dans le quartier. Yes. Et bah voilà, c'est parti, impro, comme tu veux. Impro. Et puis, Gaucho, tu nous parleras surtout de cette sortie d'album qui va pas tarder à arriver. Ça nous intéresse pas mal. Okay, on y va, les gars. Charlie Gaucho. Comme tous les ghettos, tous les quartiers, une spéciale dédicace pour tous les jeunes révélés et enfermés. La belle des bars, ça monte le monde, faut pas l'oublier. Respect à toutes les communautés. Je vais big up tous les ghettos, tous les quartiers. Une spéciale dédicace pour tous les jeunes révélés et enfermés. La belle des bars, ça monte le monde, faut pas l'oublier. Respect à toutes les communautés, non. Une spéciale pour tous les ghettos, toutes les ghettos, gars. Nous sommes toutes celles qui crèvent la dalle. Nous sommes toutes celles qui tombent sous des rafales de balles, babales, da-da-da. Une spéciale normale pour tous les surfers. Pour tous ceux qui tombent ici bas. Na-na-na. Pour tous les blancs, pour tous les rebeux, pour tous les chinois, pour tous les renois. Dans le genre, tu vois qu'on bat à Guénon. Je reviens big up tous les ghettos et tous les quartiers. Une spéciale dédicace pour tous les jeunes rebelles enfermés. La belle des basses, pour tout le monde, faut pas l'oublier. Respect à toutes les communautés. Otro tren buscando otra vía, seguimos por un día, tocamos por la vida, seguimos. Otro tren buscando, mi amigo, estoy aquí contigo, con la contrabanda, si estás aquí conmigo. Otro tren buscando otra vida, seguimos por un día. Je coule ma tête, je prie Dieu, je fais les vœux, qu'est-ce que tu veux de la peuple qui vit dans la rue, qu'est-ce que tu veux que je te dis, non, je ne vais pas te faire la vie, ça marche, tard le soir, parfois le prendre de glace, le bon corps, c'est le bleu, pas de blanc, pas bon, ça serait l'homme, oh, non, non, tout jamais qu'on va craquer, on arrive dans les noms, on met ça carré, pas le mystique style, non, non, tout jamais revient du et on met ça réel, histoire de mettre à l'aise, ouais, le mettre de mon débarré, y'a passé une bonne soirée, so, hot, hot. Hey, tout le monde est chaud, chaud. Le son qui revient jouer toujours au top niveau. Frappé now. Yo, oh, get a noggin, shammy long go. Toi, tell them again, Jack O'Neill, man. Hey, tous les gants, j'en mets en place, yo! Fire, fire, fire, burn them! Shut me down, go, tu vas come back! Again, again, again, again! Mais c'est fire, fire, fire, burn them! Pour tous les gants, j'en mets en place, don't go, tu gagnes une palette! Y'a maintenant, hey, chum! Fire, burn them! Tu fais ton move, d'accord, dans la ville, les belles bums, chérie, casquette, basket, chauffe, tu es déjà repuré! Fire, burn them! Parce que tu n'as rien à faire, c'est pour ça que tu veux me stresser. Pour quelques splits de week, t'es capable de t'embarquer. Fire burn them. Je coule avec ma meuf, et puis des boules, une redis 9. C'est des bulles de fire, y'a y v'là les que fire burn them. Pour tous les gants, j'en mets en place, don't go, tu vas tell them. Mix, yo, chum. J'ai dégoûté, tcha, ce soir j'ai oublié, tous mes papiers, putain, de garde d'identité, d'habitude pourtant c'est vrai, je les oublie jamais, ce soir la loi m'a pensé l'idée de me faire contrôler, décontracter sans stresser, sans paniquer, je ne les ai pas, sur moi maintenant je viens de rabouer, Il me dit que c'est pas grave, mais seulement voudrait bien procéder à un petit travail de routine. En clair, maintenant, vous voulez me fouiller. Motherfucker, I should know. You should know. Yeah, man. The police is going where? Wow. You should know. You should know how that we are all the time here. You should know. You should know. You should know. You should know. We are always with you. You should know. You should know. You should know. You should know, my friend. Never, never forget this. You should know that we are with you, my friend. You should know. You should know. You all right. Should. Mix. Get it. Mass on the bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, tu fais ton move bloqué dans la ville et t'as les mêmes serrées, casquette, basket, survêt, t'es déjà repéré. Fire burn them, parce que t'as de l'argent à faire, c'est pour ça que tu veux me stresser, pour qu'elle te spiffe de wits, t'es capable de t'embarquer. Fire burn them, je coule avec ma meuf et puis des boules, une grosse neuf, maman mia, manque pas ça. Fire burn them, je coule dans ma tête, c'est dégueu, je fais des vœux, je la connais. Alright, yeah, et mettez-le, yeah, ciao. De cette histoire, tu pourras tirer la morale. Que ce bâtard m'a pas proposé la totale. Tu m'as compris, je vais parler de la fianale. Un petit peu, c'est bonhomme, déjà j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Il est mon oreille, il est mon oreille, il est mon oreille. Parler, je serais devenu tout pâle, me fly, sans froid, il est vrai. Je me serais senti mal, t'es mal. Trois secondes après, toujours vénère, dans le go, je come back again. Jamais, you ready? Never forget that we are all never the forget. Time. All the time. Ça se passe ici même sur Radio Contrabande, il est 23h15, 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez. Du roots, du reggae, du raga, vous en avez demandé, et Los Gabachos vous en ont donné ce soir. Et les temps d'explorer dans leur game de tarpaouin. On les hommes descend dans la rue, c'est la révolution. T'es sans parvis, c'est des parvis, c'est la révolution. T'es grand guerrier, vos premiers plus, c'est la révolution. Bateau, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, c'est à des couilles, occuper la révolution. Ton sang, pour qu'il évolue, pour faire la révolution. Je n'ai pas y'a les femmes battues, fais de la révolution. Bateau, révolution, mais c'est la révolution. Big Ren, montre le volume à fond. C'est la guerre, on fait pas l'enclume, tu on va se battre pour de la thune ou la religion. Sur les dunes, y'a des snipers qui tireront. Quand on s'affume, passons les traîtres, brûleront. Et dans la brume, on roule à être, nous les pendrons. Nous sommes tous âmes légalistes, pour être un seul coup de pinceau. Et il est temps pour nous de connaître la révolution. Quand les armes descendent dans la rue, fait la révolution. Tu seras pas pris, si t'es pas vu, c'est la révolution. Tu grand guerrier, vos premiers plus, c'est la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, c'est à des bouillons qui fait la révolution. Pensant pour qu'il évolue, pour faire la révolution. Je n'ai pas y'a gué, pas moi, tu fais la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Je veux pointer comme un coup de savate, faire l'effet d'un coup de batte. République, un démocrate, si je touche, je t'éclate. Quand j'ai porté une cravate, à partir de cette date, dis-toi que Bigrette boit rouge. Rouge est un lac, et maintenant personne ne bouge. Ou alors à quatre pattes, c'est tout qu'il faudrait teindre ici, aucun passe. C'est dans leur petit manège qu'il faut créer l'impact. Maintenant je suis trop vénère et j'allume le contact. Moi les armes descendent dans la rue, c'est la révolution. Tu seras pas pris, si t'es pas vu, c'est la révolution. Tu grand guerrier, au premier plus, c'est la révolution. Bâton, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, si t'as des couilles, occupe la révolution. Ton sang, pour qu'il évolue, faut faire la révolution. Je t'ai foyé, et pas mal, tu fais de la révolution. Bâton, révolution, mais c'est la révolution. Hey yo, muchachos, en esta vida viven los más machos. Berracos, son les plus faits pour le fond des pluies. J'ai vu par adore la vie, t'es né à le coin. On verra bien à qui j'écrale pas avec ses maillons. On garde la ligne, on va vivre des évolutions rares. À mon fin d'hallucine, je ménage nos combats clean. Le cœur s'incline, la routine, on en veut plus. On bat l'espoir comme les machines, à peine je clean. Les yeux qui changent autour de moi. Moi les armes descendent dans la rue, c'est la révolution. Tu seras pas pris, c'est des barbus, c'est la révolution. Tes grands guerriers, gros premiers plus, c'est la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Mais sans, si t'as des couillons, tu fais la révolution. Ton sang, faut qu'il évolue pour faire la révolution. Je t'ai foyé, et pas mal, tu fais la révolution. Maintenant, révolution, mais c'est la révolution. Le premier coup de feu est tiré, le départ est roulé. La course peut commencer, ça cavale de tous les côtés. Sans déballer les esprits, qui t'a des fenêtres. Dans le vide pour jeter, le vide pour le bouquet. mettons pas ton temps de cul. T'avances quand tu recules, et t'as fait pour une mule, l'énervement s'accumule. Envoie chier tout monde, c'est sale bande de rats. Il s'appelle Big Red. La révolution, c'est ce qu'il vous demandera de faire. Et c'est ce qu'on vous a demandé de faire en début de cette émission. La révolution, ils viennent de nous la donner en musique pendant 4 minutes, 5 minutes. Il s'arrête jamais, c'est de la pure impro. Il s'appelle Chavi, il s'appelle Gaucho. Et ça se passe sur Radio Contrabanda. Les gars, vous cartonnez et vous faites kiffer tous les gens qui sont dans le studio ce soir. Et carrément, comme les Chiapas hier soir, les gars. Viva la révolution. Et viva Zapata. Et ouais, à pas confondre avec le cirque, hein, Lorenzo. J'espère que tu t'es pas trompé quand même. J'ai pas fait l'amalgame entre les deux. Ouais, mais bon, ça va encore. Ouais, on pourrait se tromper, mais on adore le cirque aussi à Contrabanda, c'est clair. Et vive à la cahier, quoi. C'est un sacré clown, hein, surtout à la radio. Ouais, tu crois. Vas-y. Bon, bah écoute, hey, Lolo, on va se poser, allez, 2 minutes, on va écouter en speed les concerts, les infos concerts, ouais, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Bah écoute, ce soir, à part que les gens ont dansé comme des fous autour de leur transistor, il n'y a rien d'autre. C'est Contrabanda ce soir. Il n'y a rien d'autre à faire le lundi que nous écouter, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Aucun autre plan ce soir, vous restez chez vous, nous écoutez. Alors demain, attention, Mamma Milota, au London Bar, c'est gratos. Et au sidecar, il y a Teen Guard, ça c'est assez intéressant aussi. Donc ça c'est la Brésilena Session au sidecar. Tous les mardis donc. Et mercredi, on n'a pas cessé de le dire, quoi. Carabarna, c'est votre programmation, un concert chaque mercredi. Ça va bientôt en faire 15. Et demain, ouais, c'est Urubu et ça va donner, quoi, parce que. C'est du reggae. Ouais, il y a un paquet de trucs, hein, attention, hein, sur le fly. Salsa, son, reggae, ritmos, antillados, con. Et moi, voilà. ce qu'ils aiment Brésil, bien, Brésil aussi, Brésil. Ce qu'ils aiment bien, la Carabarna, c'est justement l'éclectisme en matière de musique. Et c'est pour ça que les gens qui vont voir à chaque fois les concerts de la Carabarna le mercredi sont toujours assez surpris. Et voilà. Et là encore une fois, c'est un mélange de plein de belles choses et ça va donner sur scène. Venez faire la fête avec nous. Nous, en tout cas, on y sera, bien sûr, comme tous les mercredis. Xavier aussi t'emmènera Gaucho par la même occasion. Et vous allez faire une sacrée soirée. On compte sur vous, les gars. Ouais, t'inquiète. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la scène métissée d'un côté, mais on est ouvert aux autres styles, quoi. On a parlé tout à l'heure d'un Monty Mutandi, rock garage et compagnie. On a eu Alix dans la pop anglaise. Bref, il y a plein de choses, du hip-hop avec Black Baudelaire. Donc ça, c'est mercredi à noter. Donc 5 € avec une conso. À la cool. Et donc jeudi à Chisudaka, autrement à Tarragona. Vendredi, alors là, attention Lolo, on en a parlé, hein, la fête de la Saint-Juan. Donc mercredi, attends, je reviens au 21 juin, parce que là, tout de suite, il faut le dire quand même, on revient une journée en arrière, la Fiesta de la Musica, et il se passe quelque chose à l'Institut français, Lolo. Ouais. Un mec de 08001. L'ancien batteur de 08001 qui fera un concert, effectivement, ça se passera à l'Institut français. Mais n'y allez pas, ça vaut pas le coup, il vaut mieux aller à la Carabarna mercredi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, mais les horaires, je crois que les horaires correspondent pas. Mais c'est vrai que. L'anti-promo, tu sais. C'est vrai que la Carabarna, ça tombe le jour de la fête de la Lasique, quand même. C'est vrai. Ça tombe un mercredi cette année. On enchaîne, on a parlé de jeudi, vendredi. Donc, il y a Alcool Fino au CCCB. Donc, c'est vrai que c'est cool là-bas. Gratos, c'est en plein centre dans le Raval. Latino de l'Hospitalet à Corneilla. La Troba Kung Fu. L'Orchestre National des Barbès qui vient, Lorenzo. Attention. Ah ouais, bien. Kiko Veneno. Attends, alors là, ça pète aussi. C'est encore en Catalogne, Girona. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Kinky Beat, Begona Bangatu, à Girona aussi. Donc voilà, ça va péter. Non, ça c'est à Tarragona. Non, c'est vrai. Oh, Tarragona, Girona, mais les soirées de Barcelone, elles sont. Ouais, les soirées de Barcelone, si. Ça sera la Playa, un truc de furieux, parce que si vous voulez voir des pétards et un sacré feu d'artifice, mais de ouf. Hein. Alors là, ça va être chaud à la plage, comme partout. À pas louper. Ça sera le jeudi 21 aussi après la Carabarna et compagnie. Samedi Jelly Royal à Girona. Il y a Gaspacho à Corneilla. Dimanche, alors là, il y a Let Nival à Girona avec la Kinky Beat Africa Unite du reggae. On en parlait. Delinquentes, révélation ici en Espagne. Ça, il n'y a rien à dire. New York Jazz Ensemble. Ça pète. Ça, c'est clair. Une putain d'affiche. Et voilà. Donc ça, on finit dimanche à la cool comme hier, par exemple, au concert de Night Show, quoi. On est d'accord. Et puis sinon, pour ceux qui sont adeptes du reggae, du raga, si vous avez envie d'aller en sound system. Voilà. Ça se passe le demain. Le côté dub. Ça se passe demain, 32 de la Rambla del Raval pour un sound system avec le Black Mountain Selection. Et puis sinon, jeudi, au Big Wood, c'est en face de la Macabra près du Ras Matas. Et là, c'est notre ami Lionel qui sera au platine. Voilà. Avec, j'espère, nos deux pépères qui seront là. Alors juste avant de terminer, parce qu'on va terminer avec vous et parce qu'on a envie de vous entendre, c'est ce que tu peux nous parler de ton album Gaucho qui risque de sortir et qu'on aimerait bien diffuser dans cette émission ici. Déjà, merci aussi pour votre accueil à la radio parce que ça me fait. C'était imprévisible, hein, ça s'est fait à la dernière minute. On s'est dit, tiens, les gars, alors là aujourd'hui, on a vite qui. On aime bien passer du son, mais surtout le live le lundi. Et voilà, on a pensé. Moi-même, j'ai vraiment kiffé la vibe, tout. Merci encore de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Alors l'album. Alors l'album, bah en fait là je suis toujours en préparation là. Les prises de voix sont pratiquement terminées. On a travaillé sur le mix. Il reste quelques morceaux où il faut travailler les chœurs. Donc il y a pas mal de choses qui vont se gérer à la rentrée. Mais normalement, si tout se passe bien, pour les vacances, il y aura un 4 titres qui sera plus sont déjà sorti. Voilà, sous le soleil pour les vacances, tu vois, autour du barbecue, tout ça, quoi. Putain, ça fait plaisir. Et le Ricard aussi, un bon petit pastis, ça part chez toi. Il faut, c'est qu'à Toulouse, ils aiment bien ça. Bon, allez, on imagine bien le délire cet été, ça va le faire. Avec l'accent, j'adore. Vous êtes combien à bosser sur ce projet? C'est le premier album. Hein, c'est mon premier album, ouais. Ouais. Même si j'ai fait des featuring sur d'autres albums, avec des rappeurs, avec des gens qui font du reggae, enfin, différents styles, quoi. Et j'ai fait aussi des mixtapes, tout ça, j'ai fait des deux plates, enfin moi j'essaie de gérer mon truc au niveau underground comme je le peux, quoi. Je roule ma bosse comme dirait l'autre, quoi. Bah tu roules ta bosse, et bah nous on attend d'avoir le résultat de tout ça. Sur la plage. À la sortie septembre bien sûr officiellement, et puis sinon un petit 4 titres pendant les vacances d'été. Nous on attend ça pour le diffuser ici en Catalogne et à Barcelone. C'est et bon pour aussi. Finir tranquillement, s'il vous plaît les mecs, c'est en musique que j'ai envie de vous entendre ce soir, okay. Pour conclure cette émission. De dire une chose, bon, y a des gens qui ont des studios d'enregistrement sur Barcelone, bon, qui te fascinent, c'est ça? Non, qui n'hésitent pas. S'il y a des gens qui veulent travailler avec nous ou quoi que ce soit, donc moi je donne mon mail au cas où. Y a des vas-y, je t'en prie, vas-y, tu peux. C'est lsol31@yahoo.fr. lsol31@yahoo.fr. Ça, c'est pour les plans production, etc. Effectivement. Ouais, aussi une info très importante, Lolo. On a aussi effectivement la fête de la Saint-Juan à Mataro. Parce que, écoute, on est tous au courant parce qu'il y a de la promo dans le coin au sujet du festival qu'il y a. Et donc, ça démarre là-bas, donc pour la Saint-Juan sur la plage. Et le 25, le dimanche, avec Miguel Poveda. Et ça y est, c'est parti pour 3 semaines. Gros festival de musique du monde, les gars. À pas manquer. Hein. À voir la programmation, ça envoie du gros. Donc, on en reparlera. Souvent, dans cette émission. Je peux revenir à Barcelone, c'est avec grand plaisir. Hein, et j'aime trop la ville. Hein, truc de dingue. Surtout pour voir Tiken Jaffa Colin qui sera le 29 juin dans ce même festival. Mais on en parlera puisqu'il va y avoir des spéciales cet été avec tout ça. Okay. On vous donnera plus d'infos. Ça va se passer dans cette émission, Las Gabachos Banda. Merci à vous, en tout cas, les mecs. On vous écoute en musique pour conclure. Et puis, nous, en ce qui nous concerne, à la semaine prochaine, 21h30 pour Las Gabachos Banda, votre programme français. C'est parti. Quand vous voulez. Musique du monde, les gars, c'est ici aussi. C'est parti. Respect, Selecta. I play your favorite song. Request to the man called Bob Marley. You can rock it all night long, darling. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Et je me sens seul, non mais je ne pense qu'à toi. Dans ces moments-là, même les gens que j'aime, faut pas que je les vois. Même quand tu me parlais bien, non mais c'est vrai, je te croyais pas. Toujours autant victime de ma putain de paranoïa. Regarde, mon cœur s'emballe et mes sentiments, je déballe. Et je pète un calme, t'as vu, la tension est palpable. Mon âme est triste, de toute façon, faut bien que je résiste. Mais surtout, ne me dis pas qu'il faudrait que j'insiste. Hey, I play your favorite song. Yeah, yeah, yeah. You can rock it all night long. This one is for all the senorita. Darling, watch this. 'Cause I've got to love, darling. Love, sweet love. Yeah, ciao. Même si je sais que je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, même si je me suis pas toujours bien pris, crois-moi je t'aimais, je me suis pas toujours bien comporté, c'est vrai, mais si je pouvais recommencer, c'est vraiment autrement que je m'y prendrais. Mais je croyais que jamais tu ne m'abandonnerais. Je me suis fait des idées, c'est vrai que je me suis planté. J'aimerais que cette histoire relève du passé, mais il y a beaucoup de souvenirs que je ne peux pas oublier. Strike to your heart, yeah. I straight up to your heart, yeah. Strike to your heart. I will put it there. I never. All right, yeah. Si t'as des choses à faire, ne te laisse pas distraire. Afin d'avoir les idées claires et garder les pieds sur terre. Franchir toutes les étapes, franchir toutes les barrières. Ne pas être sectaire et puis garder l'esprit ouvert. Que t'habites à la campagne, en ville ou en banlieue, c'est une réalité, les jeunes sont de plus en plus nerveux. Certains ne fais pas n'importe quoi parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Attends ton tour, saisis ta chance, tout soit ambitieux. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Évite de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Rappelle-toi tes ex-amis, ceux qui t'ont trahi. On a coutume de dire que les jeunes sont de pire en pire. Qu'ils volent, qu'ils cassent, qu'ils crament des voitures seulement pour le plaisir. Faudrait peut-être en avertir certains qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, qu'il ne faut pas généraliser, pas mettre le monde dans le même panier. Faut pas se tromper entre véritables sentiments d'insécurité. Hey, beaucoup ont trop tendance malheureusement à les mélanger. Now, question de facilité, ajouter à ça la charge des médias plus la paranoïa. C'est vrai que ça nous fait un putain de sacré merdier. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Évite de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Écoute ton cœur, écoute ce qu'il te dit. Rappelle-toi tes ex-amis, ceux qui t'ont trahi. Yo, hey! Tu me dis qu'il faut pas répondre à la provocation par la violence, qu'il faut agir avec prudence et puis répondre par le silence. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est efficace, je pense. En tout cas, c'est certainement beaucoup mieux que d'avoir mauvaise conscience. Tu sais, faut savoir pardonner, faut savoir pardonner, même si t'as pris des sales coups et que t'as du mal à les digérer. C'est vrai, l'idée première, c'est souvent d'aller direct se venger. Faut que tu réfléchisses à deux fois, car tu pourrais vite le regretter. I play your favorite song. Darling, darling, you can rock it all night long. Freestyle tonight, shut me down, go, track on Mac again. I'll play, yeah. I'll play your favorite song. Darling, you can rock it all night long. Darling. Shut me down, go, track on Mac again. Un spécial pour les refrains qui nous ont invités. Respect all the time. Yes, I am. Jamie est paré et les particulièrement déchaînées. Des fresh tunes, nous pour toi. On revient improviser. On met ça réel. L'histoire te met à l'aise. Tout le monde est paré à passer une bonne soirée. Yo! Bouge ton corps. Yo! Pas de complexe, pas de tension. Ne me descende. Qui est pas un homme, on revient mettre la pression. Bouge ton corps. Yo! Pas de complexe, pas de tension. Jamais dans le go, tu as tellé. Again, again, again. Ce soir, c'est dancehall vibes. Yo! Dancehall style. Yo! Les filles sont fraîches et belles. Fais mettre les décibels. Check to the day, skip the body body. Push the last bit, just come in, midi, me ready, baby. Dance all vibe, yo. Dance all style, yo. Les filles sont fraîches et belles, baby, des ladies si belles. Sexy lady, do you want it for you? Shut me down, go to. Whoa, thank you. See you next time. Oh, oh, thank you. À la prochaine, Charles. Oh, yes, hey. See you later, my friend. See you. All they want us to do is see that we might get fed up. But tell the world that this is just another shake-up. This world is mine, it can be yours, my friend. All I don't want you to do is pretend. So you got to rock to the